international. J'y ai été pendant 3 ans pour travailler dans le déminage humanitaire par la suite et je suis de retour depuis 4 mois aujourd'hui. Donc, de retour au Québec pour changer le monde, mais ici, et changer le Québec. C'est un peu ça mon parcours. Écoutez, Alexandre, vous avez écrit différents articles qui ont soulevé un certain enthousiasme sur Internet, dans certains blogs. Vous avez élaboré une théorie que l'on appelle le nationalisme cosmopolite plutôt. Cosmopolite. Oui. Le nationalisme cosmopolite, c'est ce qui m'a en fait qui m'a un peu séduit chez vous, Alexandre. Au niveau intellectuel, bien évidemment. Alors, si vous voulez nous expliquer, quelle est votre théorie de ce nationalisme cosmopolite? Ben, après ma barre, il faut dire que c'est un paradoxe. Hein? Les nationalistes disent notre nation, la théorie, c'est-à-dire la tradition. Les nationalistes traditionnalistes se disent notre nation est supérieure aux autres, tandis que les cosmopolites, pour ceux qui ne connaissent pas cosmopolitesse, c'est en grec, c'est littéralement citoyen du monde. Donc, au contraire, se disent la nation, c'est ce qu'il y a dans l'histoire à apporter la guerre, la vivification des différences, c'est de dire nous on est meilleur, nous on est meilleur que les autres, alors nous on est citoyens du monde, notre nation est peu importante, on appartient d'abord à l'humanité. Évidemment, pendant les derniers siècles, ces deux visions-là ont été mises en opposition, on est soit l'un, soit l'autre. Alors moi, je propose, et puis je ne suis pas le premier, là, c'est une théorie qui est avancée par plusieurs grands penseurs et philosophes, mais qui sont peut-être encore moins connus que d'autres, qui propose de jumeler les deux visions, de dire qu'on peut être à la fois nationaliste, donc s'identifier comme appartenant à sa nation, et citoyen du monde. Si on ramène ça au Québec, ce que je propose dans cette vision-là, c'est de dire qu'on peut être à la fois très, très fier d'être Québécois, mais sans oublier qu'on est aussi un être humain, qu'on appartient à la plus grande famille. Donc, comme si la nation québécoise était dans le fond une branche de la grande famille de l'humanité. Donc, on doit considérer nos actions à la fois comme Québécois pour le Québec, mais aussi dans un plus grand ensemble. De pas se dire on est dans un silo fermé, mais nos actions ont des répercussions sur le reste de la planète et de l'humanité. Finalement, c'est comme les relations interpersonnelles, on est beaucoup mieux, je trouve qu'on approche beaucoup mieux les autres, on donne beaucoup plus aux autres, on est beaucoup plus ouverts. Si d'abord, nous, on est fiers de ce qu'on est, on s'affirme tel que nous sommes, avec une certaine fierté. Donc, c'est un peu ce que vous avez... Ben oui, tout à fait. Dans ce sens-là, le nationalisme devient un tremplin vers l'universel. C'est aussi de dire, ma nation a quelque chose à contribuer au reste de l'humanité. Donc, je suis fier d'appartenir à l'humanité, mais fier d'être spécifique, d'avoir mon unicité. Je pense que le Québec, on a quelque chose de tout à fait unique sur la planète. Et j'en ai parlé longuement avec des gens qui proviennent un peu partout sur la planète. Et ben oui, chaque nationalité, chaque nation a sa spécificité. Et c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Chacun sa couleur, chacun sa saveur, chacun son dynamisme propre. Et c'est vraiment ça, donc de dire on va aller voir les autres avec nos projets, avec notre vision, et on va s'asseoir, on va discuter, on va faire des projets ensemble. Chacun a quelque chose d'intéressant à apporter. Très bien. Est-ce que, il y a un de vos collègues également, idéateur que j'ai cité depuis quelques semaines, M. Vladimir de Thésie, qui parle aussi d'un nationalisme québécois qui est multiculturel. J'imagine que ça se marie bien avec votre idée à ce moment-là. Je ne suis pas tout à fait au courant de ce qu'il entend par là. Le mot multiculturel, évidemment, pour moi, ça a une résonance qui est un peu différente. Le nationalisme, c'est d'abord une culture. Je pense que c'est ça. Puis peut-être que je sous-entends quelque chose qui n'est pas le cas dans la théorie de M. de Thésier, mais le nationalisme, c'est d'être fier d'une nation, mais de la partager avec les autres nations dans un esprit de communauté, de fraternité avec les autres nations et pas de silo. Tandis que pour moi, le multiculturalisme, c'est plusieurs cultures plutôt qui vivent une à côté de l'autre, mais sans dialogue. Alors, c'est peut-être une perspective qui est un peu différente. D'accord. Donc, très bien. Bon, je comprends bien, c'est que quand vous parlez de nationalisme cosmopolite, je veux dire, c'est pas fermé à le Québécois de souche, ce qu'on dit. J'imagine que c'est drôle parce que cette semaine, il y a 2 jours, j'ai écouté enfin, c'était une recommandation que Catherine me faisait depuis très longtemps, le film Godin sur Gérald Godin, qui est peut-être un des grands leaders, un des grands penseurs souverainistes le plus oublié, le plus négligé, à mon avis. Ben, écoutez, c'était un des premiers justement à se rapprocher, parce que le comté de Mercier à Montréal est très cosmopolite, une très grande communauté grecque. Et c'est un des premiers à se rapprocher justement des communautés culturelles et de les faire adhérer à une espèce de projet. C'était un des premiers à parler, et là on parle des années, début des années, fin des années 70, début 80, d'un projet d'un Québec justement cosmopolite où il n'y a pas juste des francophones de souche, il y a aussi les grandes communautés immigrantes qui sont là. Est-ce que ça va un peu dans la même direction que votre vision? Oui, tout à fait. Quand je parle de nation, c'est une nation moderne, c'est une nation civique. C'est pas parce que ça rassemble pas les gens dont les parents sont des immigrants français qui sont arrivés il y a 400 ans. Au contraire, pour moi, la nation civique, donc la nation moderne, c'est d'abord et avant tout deux choses. Des gens, oui, qui parlent français. Je pense que c'est important. Évidemment, pas que ce soit la langue première, mais qui parlent français. Donc, c'est de la langue commune. Et surtout, qui se sentent et qui se disent québécois. Pour moi, c'est ça. C'est pas un processus d'exclusion. Au contraire, si on se rassemble autour d'une histoire qu'on veut écrire ensemble, si on se rassemble autour d'une langue commune et de valeurs communes, c'est ça la nation. C'est pas le sang, c'est pas la naissance, c'est la volonté. J'ai une question piège. Vous parlez de valeurs communes. C'est quoi les valeurs de la société québécoise selon vous? Je pense que ça évolue. Ça évolue. Les valeurs, c'est pas quelque chose qui est fixé dans le temps. Je ne peux pas faire une liste exhaustive et je mettrai au défi quelqu'un qui me propose de faire ça, mais je pense qu'il y a des choses fondamentales qui nous distinguent, mais qui sont partagées par d'autres nations aussi. Je pense à l'égalité entre les hommes et les femmes, je pense au sens de la démocratie, je pense à un certain sens de l'entrepreneuriat, hein, qu'on est un peuple qui bâtit ces choses, beaucoup de PME. Solidarité, certainement. On a un passé qui a été bâti sur des valeurs judéo-chrétiennes, et même si on n'est plus une société où la religion a une place importante, je pense que ça joue encore un rôle très important sans qu'on se dise que ce sont des valeurs judéo-chrétiennes comme justement la solidarité, le partage, le sens de la communauté. Quoique, sens de la communauté en 2012, c'est peut-être un peu moins solide qu'avant, mais on peut toujours espérer que ça revienne un peu en force. Donc, vous proposez une forme de nationalisme renouvelé dans vos pensées. Et là, vous avez écrit aussi sur certains blogs cet été, à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, qu'on allait assister dans les prochains mois, les prochaines années, à une renaissance du mouvement souverainiste. Le phénix allait renaître de ses cendres. J'aimerais savoir qu'est-ce qui cause cet optimisme chez vous. Une nouvelle vision. En fait, c'était élaboré alors que j'étais encore en Suisse jusqu'à récemment, comme je disais un peu tantôt, et puis de voir un système, d'une part, qui était démocratique là-bas, de voir comment les Québécois ont le sens associatif, le sens de la communauté, comme je disais quand même. Je vous donne un exemple, il y avait une association étudiante, d'étudiants qui venaient de partout sur la planète. Sur 5, on était 3 Québécois. Donc, de dire qu'il y avait... On a ce sens-là de l'implication. Et ça a commencé à germer l'idée que c'est la société, c'est les individus qui sont, et ça, je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais qui sont les moteurs de changement. Je parlais de l'INM tantôt, le thème de l'activité à Saint-Georges, c'est entreprendre le changement. Et l'idée, c'est de dire, c'est pas des groupes, c'est pas des compagnies, c'est dans ce cas-là, c'est pas des partis politiques qui vont vraiment s'approprier le changement. Ce sont des individus, ce sont des citoyens. C'est la prémisse de base, en fait, de ce renouveau. Très bien. Et qu'est-ce qui vous... vous avez passé 3 ans en Suisse, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, j'entends peut-être des gens dire, mais voyons, il est passé 3 ans en Suisse. Comment il fait, justement, lui qui a vécu à l'extérieur du pays, pour revenir au bout de 4 mois et nous dire que, bon, voilà, le Québec est dans un renouveau, c'est parti, la souveraineté va revenir. Vous répondez quoi à ces gens-là qui pourraient soulever cet élément? Ben, d'une part, c'est pas parce que aujourd'hui plus que jamais, on peut être à l'autre bout de la planète et être très connecté avec ce qui se passe un peu partout. J'ai discuté avec plein de Québécois en Suisse, parce que c'est un pays en partie francophone, donc il y a eu beaucoup de Québécois là-bas et je suis revenu de façon fréquente ici. Et depuis mon retour, je suis pas resté inactif. Je me suis impliqué ici et là. Je suis membre du conseil d'administration des intellectuels pour la souveraineté, par exemple. Il y a plein d'activités, nouveaux mouvements pour le Québec. Ça bouge, en fait. Et même de loin, on a pu le voir au printemps dernier, Cap sur l'indépendance, qui est une alliance, un regroupement, une coalition de groupes souverainistes. Il y a eu le nouveau mouvement pour le Québec de Jocelyn Desjardins qui s'est mis sur pied aussi. Il y a eu, on va en parler plus tard, l'élection du 2 mai. Juste pour vous donner un exemple, sur Facebook, les gens se sont... Je l'ai vu à distance. En fait, c'était peut-être plus facile, en n'étant pas les deux pieds dedans, de voir à distance l'espèce de frémissement, l'espèce de réveil de dire « Oups, là, il était en train de se passer quelque chose. » Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, ce qui s'en vient dans les mois à venir, les États généraux sur la souveraineté. On n'a pas encore beaucoup d'informations, mais ça va se passer, une grande réflexion où les souverainistes vont s'asseoir ensemble, vont se regarder dans le blanc des yeux, puis vont discuter qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un processus qui compte les partis, mais aussi les groupes et les citoyens. C'est entendu d'être une grande discussion ouverte là, où on met vraiment les cartes sur table. Et ça, pour moi, ça va être extrêmement bénéfique pour la souveraineté. Et évidemment, de mon côté, j'apporte quelque chose aussi à ma façon. Je suis en train de mettre sur pied avec plusieurs autres jeunes souverainistes une organisation, et je l'appelle organisation parce qu'elle n'a pas encore de nom, c'est vraiment au tout début, qui se base sur cette idée-là que les citoyens doivent se réapproprier le projet politique de souveraineté. C'est un changement de paradigme auquel on appelle, dans le fond, un nouveau souverainisme qui est de dire le souverainisme des citoyens. Et c'est pas pour exclure le travail que les partis politiques font, loin de là. Ils font un travail qui est important, qui est nécessaire, et la souveraineté, c'est un projet éminemment politique. Ça va prendre un parti souverainiste qui va prendre le pouvoir et qui va déclencher un processus qui va faire en sorte qu'on va atteindre la souveraineté, que ce soit des élections, que ce soit un référendum, peu importe. Donc oui, les partis politiques sont non seulement importants, ils sont essentiels pour ça, mais le travail de mobilisation, le travail de conscientisation, le travail de convaincre les gens, parce que c'est ça la souveraineté, c'est de convaincre une majorité de la population et, si possible, beaucoup plus que 50% plus 1, de la validité, de la nécessité d'un projet. Et ce travail-là, pour moi et pour les gens qui travaillent avec moi, c'est pas seulement dans les partis politiques que ça doit se faire. L'idée un peu derrière, c'est de reprendre... En fait, c'est une phrase qui me motive beaucoup que Gandhi a dit. Bon, je sais, ça fait un peu fleur bleue, mais c'est très, très valide. Vous devez être le changement que vous voulez voir en ce monde. Donc, pas attendre que le voisin soit le changement. Pas attendre que le messie souverainiste arrive et soit le changement. Absolument. Donc, l'idée, c'est de dire... Le mot-clé, en fait, il y en a deux. Le premier mot-clé, c'est « appropriation citoyenne ». Grosso modo, ça veut dire « on reprend le projet qui nous appartient comme nation, comme société, et on se l'approprie ». Moi, je pense que le Québec souverain doit puiser ses racines dans le cœur, dans l'esprit, dans la tête des gens, d'abord et avant tout, et pas dans une plateforme obscure qu'on va voir une fois aux quatre ans. Je pense que c'est à chacun de nous de porter l'idéal souverainiste et à chacun de nous lui donner ses couleurs, ses saveurs, hein, de lui donner nos valeurs à nous. Et pour moi, c'est la meilleure façon de convaincre celles et ceux qui ne sont pas encore convaincus. Ce n'est pas en disant monsieur ou madame la députée qui arrive, qui présente un projet, un discours fleuve de 30 minutes ou quoi que ce soit. Non, c'est moi qui va voir mon frère, qui va voir ma collègue de travail, ma voisine. Puis il dit, voulez-vous prendre 3-5 minutes qu'on discute ou peut-être encore mieux, tiens, venir souper chez nous, on va faire une assemblée de cuisine puis on va en discuter ensemble. On va vraiment se regarder, on va se poser des questions. Et au lieu du... En fait, en complément du travail politique, qui est souvent unidirectionnel, hein, c'est pas vraiment une discussion souvent, c'est les politiciens parlent et la population écoute. Alors, ce qu'on a besoin, là, c'est justement de l'écoute active. Donc, c'est pas tant de dire « voici, il faut un pays parce que ». C'est d'aller s'asseoir et de dire « mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous souverainiste? Êtes-vous fédéraliste? Êtes-vous indécis? » Avez-vous été souverainiste et maintenant vous voteriez non ou l'inverse? Peut-être que vous avez voté non en 95, mais aujourd'hui vous seriez prêt à voter oui. pourquoi. On veut vous entendre, on veut vos idées. C'est ça, aller puiser dans l'intelligence collective des citoyens. Je retiens quelques trucs en rafale de votre discours, M. Barnett, si vous permettez. Premièrement, ce que j'aime, c'est l'aspect réappropriation de la vie collective, en fait, de la démocratie, de la politique. Parce que c'est drôle, on dirait que dans le discours qu'on tient, dans la vision québécoise qu'on a de la politique, c'est que politiciens et peuples sont divisés. Ça, c'est dommage parce que, et là, on en a déjà parlé ici à La Fausse Patte, c'est que un politicien, c'est d'abord un citoyen choisi par d'autres citoyens. Et ça, on oublie ça. C'est pas un tout inclus, c'est pas un forfait qu'on achète, c'est pas quelque chose qu'on consomme qui nous est offert par quelqu'un. On entend souvent dire « personne n'arrive avec un plan de match précis ». On n'aura pas de plan de match précis si nous, en tant que collectivité, on n'en a pas. Et je rejoins encore une fois le film sur Godin que j'ai vu. Lui-même, on l'a vu, il a fait sa campagne électorale à vélo. Il faisait sa campagne électorale à vélo. Il se promenait dans les magasins, les cafés et tout ça. Et une des grandes phrases que j'ai retenues de ce film-là, c'est, il dit, pour moi, et les solutions en béton, je n'y crois pas. Les solutions qui vont marcher pour le Québec, c'est des solutions artisanales parce qu'elles viennent de la tête des gens. Donc, je trouve ça bien. Et ce qui est intéressant et un peu particulier, c'est que votre discours... vous n'êtes pas très vieux, M. Barnett, n'est-ce pas? Non. Et la phrase que je vous dis date de la fin des années 70, début des années 80. On revient 30 ans en arrière. Est-ce que le mouvement souverainiste ne se serait pas perdu à quelque part? Depuis ce temps-là, depuis 80? C'est une bonne question. J'y étais pas à ce moment-là. Ça, c'est déjà ça. Mais moi, j'ai plus tendance à... Je regarde ce qui s'est passé dans le passé, et ça à tous les niveaux, qu'on parle du mouvement souverainiste en particulier ou de l'histoire québécoise en général, et de dire oui, il faut être conscient de ce qui s'est passé. Oui, les chapitres écrits sont importants. On doit s'y attarder, on doit bâtir là-dessus. Mais à quelque part, ce qui est passé est passé. Puis moi je regarde les chapitres qui sont à écrire. Moi, je regarde les chapitres qu'il faut écrire ensemble. Et ensemble, c'est mon deuxième mot-clé. Appropriation citoyenne et ensemble, c'est le deuxième mot-clé. Parce que la force citoyenne, c'est ça. Donc, est-ce que le mouvement souverainiste s'est perdu? Est-ce que c'est si pertinent que ça si on dit « voici une nouvelle méthode » ou « voici plusieurs volets, plusieurs façons différentes de parler du projet de pays » et une façon différente qui, en fait, peut-être là-dessus, je vous rejoindrai en disant que oui, ce qu'on n'entend pas assez souvent parler, c'est que la souveraineté, en tout cas pour moi et pour pas mal de monde, c'est pas une fin en soi, mais c'est un début, c'est un renouveau. C'est un outil. C'est une série d'outils, en fait, mais ça va nous permettre, comme nation, de se lancer sur un nouveau départ. On fait évidemment pas table rase. Au contraire, on bâtit sur ce qu'on a pour faire encore plus. Moi, je dis souvent à la blague, le jour J là, où on va être un pays, c'est pas mission accomplie. Ah non, non. Au contraire, c'est là que ça commence. On se relève les manches, là, on se craque les doigts et on y va. Ben, c'est comme déménager, c'est-à-dire qu'on change de maison, mais on amène tout notre patrimoine. En fait, c'est comme quand on pack notre camion le 1er juillet puis qu'on s'en va dans un autre quartier. C'est un peu, on change le contenant et tout ça, et la façon de faire, mais on garde quand même notre passé et notre bagage. Oui, mais encore mieux, moi je dirais... Et c'est un collègue, un ami qui m'a donné cette image-là, mais on passe d'un appartement à une maison. Formidable. Dernière petite question avant de passer à la pause et au bloc pub. Vous parliez justement que ça prend un véhicule neuf, ça prend une nouvelle façon de faire les choses au niveau de la souveraineté. Est-ce que le mouvement souverainisme s'est perdu? C'est pas si pertinent que ça. Est-ce que ça expliquerait... en fait, la question que j'avais en banque, c'était, vous parlez d'un enthousiasme et d'une renaissance de la souveraineté, et pourtant, le Parti québécois est en chute libre, mais en complète dérive. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Il faut faire attention. Comme je disais au début, pour moi, le souverainisme, le désir du pays, de faire du Québec notre pays, c'est pas lié à aucun parti. Les partis, à la rigueur, tous les partis souverainistes demain matin pourraient s'effacer. Ça ne veut pas dire que le souverainisme serait mort. Absolument. Donc, que ce soit le Parti québécois, que ce soit Québec solidaire, Option nationale, le Parti indépendantiste, le Bloc, ça, c'est des véhicules pour se rendre à un endroit. La destination, elle reste là, même si ton véhicule, il fait une crevaison en cours de chemin. Donc, on peut changer de véhicule, on peut réparer celui qu'on a. Ça, c'est les gens des partis qui verront à ça. Moi, je dis, outre ces véhicules-là, nous, on doit se solidifier, on doit enraciner la destination, c'est-à-dire, mais en fait, même pas la destination, la prochaine étape. On doit enraciner cette prochaine étape pour que quand le véhicule qui sera rendu là déclenchera, par exemple, un référendum, ben, qu'on ne se mette pas à la réfléchir. Ah, ben tiens, qu'est-ce que ça nous donnerait d'avoir un pays? Mais que ça soit déjà intégré, qu'on ait déjà depuis longtemps fait des assemblées citoyennes, des assemblées cuisine, que l'argumentaire a été renouvelé, qu'il y a un vrai dialogue entre les générations pour savoir, mais qu'est-ce que ça nous donnerait à tout le monde ensemble d'avoir un pays? Que le travail soit déjà fait, qu'on ne part pas à zéro au jour 1 d'une campagne référendaire. Alexandre, vous êtes très enthousiaste face à l'avenir. Je vous demande de jouer au devin, s'il vous plaît. Selon vous, en bon gérant d'estrade que nous sommes, vos prédictions pour le mouvement souverainiste d'ici la prochaine année ou les prochaines années, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Prédiction, c'est assez difficile, mais j'ai des vœux très forts, en tout cas. Allez-y. Moi, mes vœux, d'une part, comme je mentionnais tantôt, les États généraux, j'espère que ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Je ne le crois pas, parce que c'est des gens qui sont très motivés, qui ont une partie qui ont beaucoup d'expérience, d'autres parties qui sont nouveaux dans ce monde-là, mais qui amènent une créativité, une vision différente de voir les choses. Ça, c'est certain. D'autre part, si j'ai un petit mot à dire sur ce qui va se passer sur la souveraineté, je crois qu'on est sur le chemin de la réappropriation citoyenne. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte avec plusieurs autres personnes que ça arrive pour qu'on se l'enracine, hein, comme je disais tantôt, qu'on l'intériorise ce rêve-là, qu'on se l'approprie et que ça passe du rêve à la réalité. Donc, évidemment, je ne dis pas que dans 6 mois, ça va arriver. C'est un processus. Et bâtir un pays, c'est pas quelque chose qu'on fait en criant ciseaux. De toute façon, ça fait 40 ans qu'on essaie. On l'aurait déjà fait si c'était aussi facile que ça. Mais là, tiens, essayons donc une façon supplémentaire de le faire. Ça va juste nous donner de meilleurs outils, de meilleurs arguments et une meilleure confiance en nous pour le faire également. Je pense que c'est ça qui s'en vient pour 2012. Au niveau politique, hein, lire l'avenir, c'est très difficile, surtout quand ça concerne le futur, hein, comme on dit. Donc, je ne m'avancerai pas là-dessus, j'ai aucune idée. J'aimerais bien avoir le recul, par exemple, des journalistes politiques, qui, de toute façon, te trompent 3 fois sur 4. Donc. Mesdames, messieurs, ben écoutez, Alexandre, moi, j'ai pour avis que plus il y a d'options disponibles lors du vote, plus c'est un signe de santé pour une démocratie. Donc, ça veut dire que les idées se brassent et se bousculent. D'ailleurs, c'est un grand besoin que nous avions au Québec. Je pense qu'on est loin d'être en crise au niveau de la démocratie. Au contraire, je pense qu'on est dans un renouveau, comme disait Richard Desjardins, pour que le printemps revienne obligatoire, que le grain meure. Donc, moi aussi, je partage votre enthousiasme là-dessus, Alexandre. Ben, merci beaucoup de cet entretien et de cet exposé sur votre théorie du souverainisme attendez, je me trompe là. Hein? Il y a deux choses différentes. Le nationalisme cosmopolite, voilà, qui est une identification. On peut être fédéraliste et être nationaliste, en tout cas, certains se le disent. Donc, ça n'a pas rapport avec la souveraineté, quoique c'est une maudite bonne raison d'être souverainiste, de dire on est citoyen du monde, donc on veut un pays pour accéder à la cour des grands, pour vraiment faire profiter le monde de notre initiative. Et l'autre, c'est pas vraiment une théorie, c'est une approche, le nouveau souverainisme, je ne sais pas si on doit l'appeler comme ça, mais le souverainisme citoyen de faire des citoyens de vrais porte-parole, de vrais porteurs du projet, de vrais leaders citoyens. Et d'ailleurs, pour conclure peut-être sur le sujet, je tiens à dire que pour moi, c'est vraiment symbolique. La symbolique est très, très forte de venir parler de ça à Québec. Pourquoi? Parce que, outre le fait que j'adore la ville, que mon frère habite ici, que je lui dis bonjour d'ailleurs, que c'est la capitale nationale, le jour où on sera un pays, ce sera la capitale du pays. C'est pas anodin, c'est un symbole qui est très, très fort. C'est les ambassades, c'est les diplomates, c'est les grandes rencontres internationales. C'est à Québec que ça va se passer. Et nous sommes déjà la seule capitale francophone de tous les Amériques. Et je crois que ça vaut la peine qu'elle devienne une capitale, une véritable capitale nationale. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, plaisir. On va aller d'un bloc pub. De toute façon, vous allez de retour avec nous. Vous êtes en studio pour toute l'émission. Au retour de la pause, on discute avec M. Steven Guilbeault, porte-parole d'Équiterre, sur les initiatives pro-Kyoto lancées par M. Daniel Turp et Mme Louise Beaudoin dans les dernières semaines. On va aussi jaser avec lui de son rapport sur les énergies émergentes qui a été fait sous l'égide d'Hydro-Québec. Et juste avant, un petit bloc pub. Et au retour, en musique, nous aurons Mes aïeux ainsi que les Cowboys fringants. L'émission Contes de fées sera en sortie au Studio P le 21 janvier. Dès 13h, une entrevue avec l'auteur Angèle Delaunois et d'excellentes suggestions de livres pour vos enfants avec la librairie Pantoute. Aussi, il y aura des pâtisseries de Loukoum Cupcake et des prix de présence pour tous les enfants. C'est gratuit et ça se passe au 280 Saint-Joseph-Est. Une présentation du Studio P, de la librairie Pantoute et de Locum Cupcake. Radio, livre et gourmandise, seulement avec CKRL 89.1. C'est une drôle de chanson qui se chante tout doucement. Mon amour, quand tu es là. La tabagie Saint-Jean fait aujourd'hui figure d'institution. Revues, magazines, commodités en tout genre incluant bière, vin, café, choix de viennoiserie et autres sucreries. La Tabagie Saint-Jean, 620 rue Saint-Jean, 418-522-5923 pour les livraisons en semaine. Venez aussi découvrir en exclusivité le système électronique HD Smoke et rendez-vous sur tabagiesaintjean.com. La Tabagie Saint-Jean, connaît le tabac. Mercredi 19h30, c'est l'heure H, celle d'Hubert Tremblay. Musique naïve ou raffinée, le folk dans tous ses états. Seulement au 89.1. La réalité va être un choc. Pour y arriver, une adresse. Jeplanifie.gouv.qc.ca et faites le calcul avec un outil tout simple. Simul-R. Ben, venez en jaser avec moi, Francis Picotte, sur mon blog. Merci. Je vous attends sur jeplanifie.gouv.qc.ca. Les jeudis soirs, écoutez CKRL, 18h30. Michel Drolet vous présente Mezzanine, les nouveautés du rock britannique actuel. Today's security code is chant le veille. Aujourd'hui, c'est déjà la veille. Ami, ami, préparons demain. Ami, ami, la bouteille est morte. Ami, ami, il n'y a plus de vin. Ami, ami, je vous sacre à la porte. Au propre comme au figuré, nos mains étaffalées sur l'archer. Yves qui a encaissé la droite est encore debout sur ses pattes, mais aujourd'hui les flamants s'en slat. Faut dire qu'ils n'ont pas vu venir ce coup parti sans avertir, qu'il est venu manquer leur année. Quand ils ont appris la nouvelle, un shop qui ferme, c'est sans appel. Ils sont sortis de l'usine, le cul sous la pelle. Shooter pour les nouveaux chômeurs. Shooter pour les bons travailleurs. Shooter apporte la bouteille qu'on se naye. Donne-nous à boire, c'est si boire à soi. L'étranger mercenaire, tu prends d'aller 89.1. Les gens autour de moi ne comprennent pas comment j'ai pu arriver à justice à Québec. Mesdames et messieurs, de retour à la fausse patte, à CKRL 89.1, il est 16h11 précisément. Dans le bloc musical, on avait Mes aïeux, chanson à boire, et pour finir, tiré de leur dernier album, Que du vent, c'était les Cowboys fringants, la chanson Shooter. Écoutez, chanson que je dédie à tous les employés en lockout de la White Birch qui ont perdu leur emploi, en fait, et qui se sont tenus debout dans les négociations avec le grand patron. Pour faire un bref historique, vous savez que bon, la papeterie a fermé. Elle est la propriété d'un grand milliardaire américain, évidemment, qui possède plusieurs usines comme celle-ci. Les négociations pour pour un changement à la convention collective, évidemment, de faire payer les problèmes de l'usine aux employés. Eh ben, ils sont toujours dehors malgré le temps très froid et tout ça. Donc, on les salue. Félicitations à tous ces travailleurs-là qui et bonne chance et bon courage. Bon, là-dessus. Toujours de retour, toujours en compagnie de notre chroniqueur et co-animateur invité cette semaine, Alexandre Varnette. Et on rejoint à l'autre bout du fil, M. Steven Guilbeault, porte-parole d'Équiterre. Bonjour, M. Guilbeault. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci beaucoup. D'abord, M. Guilbeault, un grand merci pour l'entretien qu'on a eu avec vous en direct à Durban la dernière fois à notre émission lors de cette grande conférence sur les GES. Je voulais vous parler aujourd'hui parce que vous avez participé, en fait, vous avez présidé, je pense, si mémoire est bonne, un comité qui a livré un rapport sur les énergies émergentes au Québec. Et cette information, je l'ai eue dans Le Devoir, sortie en tout début d'année 2012. Alors, j'aimerais un peu que vous nous racontiez quelle est cette initiative et ce projet que vous avez piloté. Alors, c'est un comité, c'est un groupe de travail sur les énergies renouvelables émergentes. C'est un mandat que l'ancienne ministre des Ressources naturelles, Nathalie Normandeau, m'avait confié en tant que président du groupe de travail, ainsi qu'à une dizaine d'autres personnes. Un mandat qui nous avait été confié en septembre 2010 pour... Et le mandat est un document public, là, c'est sur le site du ministère des Ressources naturelles. Donc, pour étudier un peu quel est le potentiel de développement au Québec au niveau de la création d'emplois, les retombées économiques, les enjeux environnementaux et sociaux, des nouvelles technologies émergentes. Donc, on ne parle pas ici des grands barrages, on ne parle pas des grands projets éoliens qui sont déjà de plus en plus, tant au Québec qu'au niveau international, bien implantés. Mais on parle des filières d'énergie renouvelable qui émergent. Donc, on pense au solaire photovoltaïque, donc la production d'électricité à partir de l'énergie solaire, la production de chaleur, aussi ce qu'on appelle le solaire thermique, les énergies comme les hydroliennes, donc des essentiellement des turbines qui sont placées dans l'eau et qui fonctionnent non pas grâce à la création de barrages, comme c'est traditionnellement le cas, mais grâce au courant qu'on retrouve dans nos fleuves et nos rivières. Alors, toutes sortes de nouvelles technologies, les biocarburants, tout ça, et le comité a travaillé là-dessus pendant un peu plus d'un an, et nous avons remis un rapport à Mme Normandeau, donc en décembre 2010 là-dessus. Et les résultats de ce rapport-là, qu'en est-il? Ben, en fait, le mandat était de remettre un rapport à la ministre des Ressources naturelles, ce qui a été fait. Mme Normandeau, à l'époque, s'était engagée à rendre ce rapport-là public. Je suis pas dans une position pour vous divulguer les conclusions du rapport, puisque c'est au ministre des Ressources naturelles, M. Gignac, à rendre ce rapport-là public. C'est sûr que j'ai très hâte que le rapport soit rendu public. À mon avis, il y a des informations très intéressantes, très pertinentes pour le Québec et pour le développement énergétique et économique du Québec dans ce rapport-là, mais j'ai pas la possibilité d'en discuter avec vous tant que le ministre ne l'aura pas rendu public. Très bien. Et selon vous, pourquoi attend-on du côté du Parti libéral pour rendre ça public? Je veux dire, c'est à la une des journaux et des nouvelles depuis tellement longtemps. La population s'est montrée vraiment avide de ce genre d'initiative-là. Alors, selon vous, pourquoi le Parti libéral tarde-t-il? Ça serait justement du bon capital. Le Parti libéral qui est dans le fond des classements au niveau des sondages, vous ne croyez pas que ce serait une bonne initiative pour reprendre un peu de force? Écoutez, je ne suis pas un conseiller pour le Parti libéral, mais je pense que je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il y a énormément de choses intéressantes. Est-ce que c'est pour des raisons logistiques? Est-ce que il n'y a pas de... Je vois pas vraiment ce qui retarde de la publication de ce rapport-là. J'ai fait plusieurs représentations auprès du cabinet à l'époque de Mme Normandeau. J'en ai fait quelques-unes auprès du cabinet de M. Ginette pour leur dire, écoutez, vous devriez rendre le rapport public. Les membres du comité ont hâte que le rapport soit rendu public aussi. C'est pas juste moi, c'est des gens qui ont travaillé sur une base volontaire, bénévole, pendant plus d'une année sur ce rapport-là. Tout à l'heure, je vous ai dit que Mme Normandeau nous avait confié ce mandat-là en septembre 2010. Elle nous avait confié ce mandat-là en septembre 2009. Alors, on a travaillé pendant une année et demie pour remettre le rapport, donc, en décembre 2010. Et là, ça fait quand même plus d'une année que le gouvernement a le rapport. Et je suis d'accord avec vous. Je pense que ce rapport-là devrait être rendu public pour qu'on puisse discuter des propositions qui s'y retrouvent. Et la ministre s'est engagée à le faire de toute façon. Si je peux émettre une hypothèse là-dessus, on est en période préélectorale. Peut-être que c'est un as qu'ils gardent dans leur manche pour dire « Ah ah, depuis ce temps-là, depuis l'année, depuis que le rapport est sorti, ben pas sorti, mais plutôt remis au gouvernement, peut-être qu'ils préparent des projets là-dessus pour dire « Et voilà, réalisez-nous pour pouvoir mettre sur pied ces projets d'énergie renouvelable. » Évidemment, et peut-être que le rapport, sans vous, je sais que vous ne pouvez pas parler là-dessus, M. Guilbeault, mais j'imagine que le rapport doit écorcher un peu le plan Nord également. C'est quelque chose de, c'est une présomption en fait que j'ai, c'est une opinion. Bref, M. Guilbeault, très bien. Je voudrais aussi vous amener sur un autre sujet. Il y a des initiatives qui ont été prises par M. Daniel Turp et Mme Louise Beaudoin pour... ça nous ramène au premier sujet qui nous a amené à discuter ensemble avant les fêtes, au niveau du respect que Québec devrait faire du protocole de Kyoto. Donc, est-ce que vous avez eu... j'imagine que vous avez eu vent de ces initiatives-là. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus, s'il vous plaît. Oui, j'ai d'ailleurs été en contact avec M. Turp, que je connais depuis quand même très longtemps. C'est une initiative qui est très intéressante, donc qui se base sur un projet de loi qui a été adopté. C'était une initiative du Parti libéral de l'ancien député Pablo Rodriguez, un député de la région de Montréal, un ancien député de la région de Montréal, qui avait mis de l'avant un projet de loi privé qui forcerait le gouvernement fédéral, alors minoritaire des conservateurs de Stephen Harper, à mettre en œuvre le protocole de Kyoto au Canada. Ce projet de loi-là avait été adopté par une majorité de députés au Parlement. Donc, alors les libéraux avaient réussi à faire adopter ce projet de loi-là avec l'appui du Bloc québécois et du NPD. Alors, c'est maintenant ce projet de loi-là a été adopté, il a force de loi au Canada, et c'est sur la base de cette loi-là que Daniel Turp allègue dans sa cause devant la Cour fédérale que le gouvernement un peu ne peut pas, sans retourner devant le Parlement, se retirer du protocole de Kyoto. On appuie, on est d'accord avec cette initiative-là. Maintenant, qu'est-ce que les tribunaux vont décider de faire avec ça? Quelle va être la réaction du gouvernement? On n'a pas vu jusqu'à maintenant de réaction de la part du gouvernement fédéral là-dessus. Il faudra voir, mais je pense que c'est une initiative qui est tout à fait louable, qui est très importante pour la suite des choses. Très bien. Et quand vous dites « on est derrière cette initiative-là, on appuie », vous parlez de qui, en fait? Je parle d'Équitaire, bien sûr. Parfait. Et outre Équitaire, est-ce que j'imagine que vous êtes au courant s'il y a d'autres organisations écologistes comme ça qui appuient cette initiative? Oui, il y a plusieurs organisations. Il y a 4000 personnes, il y a plus de 4000 personnes qui ont déjà signé la pétition. Il y a plusieurs organisations au Québec qui l'ont appuyé. Je pense entre autres à l'Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique, la QLPA. Je pense que Greenpeace Québec l'a également signé ou appuyé cette initiative-là. Je sais qu'il y a plusieurs groupes écologistes au Canada anglais qui l'étudient présentement. Ils ont été contactés un peu plus tard que les groupes québécois, d'où le fait qu'il n'y a pas encore eu d'appui. Mais je suis confiant, moi, que dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, il va y avoir encore beaucoup plus d'appui à ce projet-là. La semaine dernière, M. Guilbeault, je faisais état d'un autre article dans Le Devoir avec un tableau qui indiquait que les Québécois avaient augmenté leur consommation de véhicules à haute émission de GES. depuis les cinq dernières années, entre 2005 et 2010, ça avait augmenté en moyenne à peu près là, de 5 à 6 Est-ce que, et pourtant, on disait que les Québécois étaient des, en Amérique du Nord, faisaient partie des gouvernements. Le Québec faisait partie des champions au niveau des émissions des GES et du respect de Kyoto. Est-ce que de votre côté, chez Équiterre, vous sentez vraiment une tendance lourde à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez que les citoyens québécois se disent vraiment en faveur? Mais est-ce que vous pensez que dans les faits, tous les jours, au quotidien, les gens sont vraiment prêts à faire les efforts pour que le Québec appuie Kyoto? Je pense qu'il n'y a pas une tendance, mais il y a plusieurs tendances. Et certaines de ces tendances-là, elles sont contradictoires. Alors, dans les faits, le Québec est en train de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes sous les niveaux de 1990 en termes absolus par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre, alors que si on regarde ce qui se passe au Canada, on est 30 % au-dessus des niveaux de 1990. Les Québécois et Québécoises, depuis maintenant 3 ans, produisent année après année plus de recyclage qu'ils produisent de déchets. Plus on recycle, plus on réduit nos émissions de gaz à effet de serre parce que ça fait moins de matière qui s'en va au site d'enfouissement. Alors, il y a des initiatives très importantes. On apprenait récemment que la Société de transport de Montréal a atteint un record d'achalandage inégalé dans l'histoire, dans plus de 150 ans d'histoire de transport en commun à Montréal. Alors, il y a des choses où ça va bien, il y a des choses où ça va moins bien. Clairement, au niveau de l'utilisation de la voiture, de l'achat de voiture, de projets autoroutiers, il y a plusieurs projets autoroutiers. Alors, le gouvernement a un rôle important à jouer. Et si dans les transports, on fait une chose et son contraire, bien, c'est sûr que ça a des effets qui vont s'annuler en quelque part. Alors, oui, on investit plus dans le transport en commun, mais si pendant ce temps-là, on fait plus d'autoroutes puis plus de ponts et qu'on invite en quelque sorte les gens à utiliser la voiture, bien, les gains qu'on fait en transport en commun puis en transport actif, comme le vélo, la marche à pied, tout ça, vont être un peu annulés par ce qu'on fait qui est incohérent du côté de l'utilisation de la voiture. Alors, je pense qu'il n'y a pas une, mais plusieurs tendances, et certaines de ces tendances-là, elles s'affrontent. Très bien. Puis pour Stephen Guilbeault, si vous voulez bien, monsieur, les solutions politiques, selon vous, qui pourraient être appliquées et qui permettraient justement de renforcer et d'accélérer ce virage vert qu'on a entrepris au Québec, en fait, vous annoncez que ça va quand même bien dans certains domaines. Qu'est-ce qui pourrait être fait politiquement pour que ça devienne généralisé, ce changement-là? Ben, je pense qu'il y a quand même une série de décisions qui ont été adoptées récemment qui sont encourageantes, où le Québec semble vouloir continuer d'aller dans la bonne direction. On le fait qu'on se soit fixé un objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre sur l'horizon 2020, très ambitieux, en fait aussi ambitieux que celui de l'Union européenne. C'est l'objectif le plus ambitieux en Amérique du Nord. Le fait que le Québec se soit joint à la Californie et éventuellement d'autres États pour mettre en place une bourse du carbone pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur industriel. La bourse du carbone, c'est pas une recette magique, ça va pas régler tous nos problèmes, mais c'est un outil parmi d'autres. Si j'étais André Boisclair, je parlerais probablement d'une boîte à outils qui existe pour lutter contre les changements climatiques. Alors, la bourse du carbone, c'est certainement l'un de ces outils-là. Alors, il y a des éléments intéressants comme ça. D'ailleurs, le plan d'action pour atteindre nos objectifs en 2020, va être présenté quelque part au printemps par le ministre de l'Environnement, M. Arquin. Il va y avoir des consultations publiques. On ne sait pas exactement quelle forme ces consultations-là vont prendre, mais les gens vont pouvoir se prononcer là-dessus. Alors, je pense que c'est important que vos auditeurs et vos auditrices suivent ces questions-là, se fassent entendre là-dessus. Plus les gouvernements vont sentir que les gens, que c'est important pour eux, que les gens sont derrière eux quand ils posent des gestes importants pour la protection de l'environnement, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, plus ça va être facile. La politique, c'est quoi? Ben, c'est l'art du possible, oui, mais les politiciens vont être drôlement plus enclins à agir s'ils sentent qu'il y a une volonté populaire derrière ça. Évidemment. Donc, écoutez, M. Guilbeault, l'entrevue tire à sa fin. J'aurais une question un peu plus, je dirais, délicate à vous poser. Écoutez, allez-y. Je pense qu'on est plusieurs au Québec à rêver de voir Stephen Guilbeault tenir le siège de ministre de l'Environnement du Québec. Écoutez, vous êtes reconnu comme étant quelqu'un qui est courtisé par les partis politiques, évidemment. On vous a probablement souvent demandé de faire le saut à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans un avenir à moyen terme, peut toujours vous intéresser ou vraiment vous avez décidé de poursuivre votre combat avec les ONG? Ben, en fait, je pense que le travail que je fais est très politique sans être partisan, donc pour un parti ou pour un autre, mais j'étais au congrès du Parti libéral en fin de semaine à Ottawa comme conférencier pour parler de changement climatique avec des militants, des députés, des anciens ministres du Parti libéral. Je suis invité comme ça par plusieurs partis politiques, pas souvent par les conservateurs, mais par à peu près tous les autres. Alors, mon travail est très politique et politisé. Est-ce que je ferai le saut un jour en politique? Peut-être. Je pense qu'il y a plusieurs façons de contribuer à la vie politique d'une société, et vous avez raison que celle d'être de se faire élire comme député, soit à l'Assemblée nationale, soit au Parlement à Ottawa, est une façon de le faire. Je pense que les organisations non gouvernementales, les syndicats et autres jouent un rôle aussi très important dans cette vie démocratique-là. Alors, en attendant, je vais continuer de militer au sein d'Équiterre, puis de faire mon bout de chemin, puis peut-être qu'un jour, je déciderai de prendre un chemin différent. Mais c'est sûr que pour moi, l'environnement va toujours être, peu importe ce que je fais, une priorité, alors, peu importe où je me retrouverai. Parce que je vous pose cette question-là, monsieur, parce que dans les discussions de salon, votre nom revient souvent. Là, moi, j'ai des amis, on parle souvent de l'équipe de rêve de 76, et on se dit à qui on voudrait voir, puis votre nom revient extrêmement souvent. Et puis, Hugo Latulippe, dans le Voir de revue, dans la revue de l'année du journal Voir, il a donné une entrevue justement pour faire son résumé de l'année. Et il parle d'une discussion qu'il a eue avec Mathieu Roy, celui qui a ces deux documentaristes, mais en fait, Comment survivre au progrès, Mathieu Roy, Hugo Latulippe, qui a sorti République, dont vous faites partie, en fait, vous avez participé à ce tournage-là. Il dit ceci, la politique ou la caméra, c'est la question de la journaliste, et voici les propos d'Hugo Latulippe. Mathieu Roy, qui était en Suisse dernièrement pour survivre au progrès, m'a appelé pour qu'on aille prendre un café, car il se demandait si on ne devait pas faire de la politique. Si je suis cohérent, je ne peux répondre que oui. À choisir, je continuerai de faire des films, mais le pouvoir est à l'Assemblée nationale et au Parlement. Alors, il va falloir arrêter de rigoler et y aller pour vrai à un moment donné. Ce sont les paroles d'Hugo Latulippe, et c'est pour ça que je vous ai posé cette question-là. Et maintenant, une dernière question, et sentez-vous très à l'aise d'y répondre ou non. Qu'est-ce qui ferait, ça serait quoi les éléments d'un programme politique qui ferait en sorte que Stephen Guilbeault accepterait de militer pour un parti? De quelle façon vous aimeriez qu'un parti s'engage au niveau environnemental? Vous nous avez dit que c'était la cause première, ça sera toujours votre combat. De quelle façon, qu'est-ce que ça prendrait d'un parti politique pour que vous disiez « Ok, moi c'est bon, je fais le saut ». Ben, je pense que la première chose, le système politique dans lequel on vit, que ce soit à Québec ou à Ottawa, est un système où il y a énormément de pouvoir qui repose dans les mains du chef ou de la chef. Moi, j'aurais besoin de sentir qu'il y a un appui indéfectible de mon leader, peu importe c'est qui, envers cette question-là, que ce leader-là et que l'ensemble des membres qui se présentent pour le parti comprennent que l'époque où on opposait environnement et économie, comme continue de le faire le gouvernement un peu, c'est une époque qui est révolue, puis qu'on ne peut pas espérer avoir une société prospère, une société moderne, une société où il fait bon vivre, si cette prospérité-là se fait au détriment des conditions de vie sur la planète. Alors, si je chantais que ces éléments-là étaient là et qu'on était capable de mettre de l'avant des mesures importantes, des mesures structurantes, des mesures cohérentes, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral, peut-être que je serais tenté. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de parti où ça se fait présentement. Je vous avouerai bien simplement que la principale raison qui fait que je suis pas prêt à faire le saut en politique, il y en a plusieurs, mais la principale, c'est l'âge de mes jeunes enfants avec qui j'ai encore passé beaucoup de temps. Je côtoie beaucoup les politiciens et les politiciennes, et c'est une vie de fou, c'est pas facile. On est très loin de notre famille très souvent. Alors, quand mes jeunes filles sont un peu plus vieilles, peut-être que là, la tentation sera plus vive un peu. Il y a une théorie, en terminant, M. Guilbeault, il y a une théorie qui il y a des penseurs sur le net qui voudraient faire du Québec un État vert, c'est-à-dire que tout ce qui serait, ça serait dans la Constitution, une Constitution, en fait, du Québec, toutes les décisions en ce qui concerne l'environnement, exemple, la remise en marge de Gentilly 2, les gaz de schiste, le plan Nord, etc., soient soumis à une consultation populaire et à des référendums. Est-ce que c'est, selon vous, une solution qui peut être une bombe dans ce système-là? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable, selon vous, dans notre société et qui serait une bonne solution? Vous savez, parfois, on a l'impression de, comme disent nos amis anglophones, d'être dans un retour vers le futur. En 1994, dans la plateforme du parti qui québécois présidé par Jacques Parizeau. Le PQ est allé chercher le chef du Parti vert du Québec à l'époque. Ils avaient fait une plateforme politique très, très, très avant-gardiste où, effectivement, on créait une espèce de comité ministériel où toutes les grandes décisions de l'État passeraient, et ces décisions-là devraient passer à travers un filtre développement durable. Donc, on étudierait l'impact économique, l'impact écologique, l'impact social de ces grandes décisions-là. Et c'était dans la plateforme du Parti québécois, et quand le PQ a pris le pouvoir, on a un peu balayé ça du revers de la main, mais c'est déjà des choses qui ont été proposées par des partis politiques au Québec. Et tu vois que Stéphane Dion avait fait quelque chose de très avant-gardiste aussi au niveau fédéral avec son projet vert. Donc, il y a eu déjà dans l'histoire du pays, au Québec et au Canada, des exemples intéressants dont on pourrait s'inspirer, mais cette fois-là, soit s'assurer que les gens qui les proposent soient portés au pouvoir, et s'ils sont portés au pouvoir, s'assurer qu'ils mettent en place ce qu'ils ont proposé. Évidemment, en 1994, c'était le référendum qui était la première, le premier mandat pour le PQ. Et après la défaite, c'est Lucien Bouchard qui a pris le dessus. Et quand on connaît la suite des choses, où se trouve M. Bouchard présentement, on comprend bien que ce filtre développement durable a dû prendre le bord assez rapidement. Donc, M. Guilbeault, un grand merci de cet entretien, d'avoir répondu avec patience et avec honnêteté à nos questions. C'est bien gentil de votre part. Et puis, on vous invite à continuer avec courage votre travail avec Équitaire et auprès des grands de ce monde. Et puis, nous aussi, on va se tenir au courant de ce rapport, justement, que vous avez rédigé sur les énergies émergentes. Et puis, qui sait, en espérant que nous ayons la chance de se reparler lorsque ce rapport sera mis en lumière. Parfait. Alors, merci beaucoup et bon tour, puis bon temps en famille. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous avions Stephen Guilbeault, porte-parole d'Équitaire, en ligne, qui nous a parlé d'un peu toutes sortes de choses, entre autres ce rapport sur les énergies émergentes qui a été commandé par Nathalie Normando, qui a été livré et qui malheureusement n'est toujours pas rendu public un an et demi. Pratiquement après son rendu, en fait. Et là, on se posait des questions à savoir pourquoi le Parti libéral hésite à lancer tout ça. Et Alexandre disait que c'était peut-être par opportunisme électoral. On veut ressortir ça, c'est une présomption. Une hypothèse. Ouais. Une hypothèse. Peut-être qu'on écorche le plan Nord là-dedans, sait-on jamais. Moi, je pense que oui. Si vous voulez mon avis, d'après moi, Mais si c'est le cas, on ne le saura peut-être pas. Ils vont sûrement sortir des parcelles voilà. De rapport. Et voilà, et voilà. Et puis, sur l'avenir politique de M. Guilbeault. Enfin, bref, une bonne discussion, je pense qu'il sera réécouté sur nos podcasts parce que nous sommes en podcast sur notre page Facebook. Alexandre, avant de partir en pause. Oui, en fait, une petite note, c'est pour démontrer que le travail qui s'est fait suite au retrait du Canada du protocole de Kyoto démontre un peu le travail que je veux faire sur la question souverainiste, c'est-à-dire deux allées pour la même voie, c'est-à-dire M. Turp et Mme Beaudoin, d'une part, ont lancé un côté très politique, mais en fait, il est juridique, mais c'est un pied de nez politique qu'on veut faire en allant voir la Cour pour annuler le retrait de Kyoto, mais d'autre part, d'aller voir directement les citoyens en disant « il y a une pétition, il faut s'indigner comme citoyen et citoyenne ». Malheureusement, j'étais certain que c'était plus que 4000 personnes qui auraient réagi au Québec pour dire « oui, on veut que l'Assemblée nationale se positionne pour soutenir Kyoto ». Peut-être que... j'ai espoir que ça continue de grandir, mais bref, l'approche citoyenne et l'approche politique en même temps, je pense que c'est un bel exemple de cette coordination-là. En fait, l'approche politique émerge lorsque l'approche citoyenne... Il n'y a pas mieux qu'une poussée citoyenne pour faire bouger le politique. On l'a vu quand le barreau du Québec sont sortis pour dire que la commission d'enquête sur la corruption dans le domaine de la construction était bidon, en fait. Ils ont dit non, ça n'a pas de bon sens. Donc, Charest a obligé de faire volte-face et de changer son fusil d'épaule. Alors voilà, mesdames et messieurs, encore, c'est la même leçon qu'on retient à chaque fois ici à la fausse patte. Mesdames, messieurs, si la masse ne bouge pas, le politique ne le fera pas. Donc, on revient au retour de la pause. On va discuter justement de ce grand sujet sur les alliances des forces souverainistes à l'Assemblée nationale et au Québec. On va en discuter parce qu'on va avoir des bonnes personnes autour de la table pour nous jaser de tout ça. Pour l'instant, pub et musique. Il fait froid dehors, c'est l'hiver à fond, donc on va se mettre un peu de soleil dans les oreilles. On va y aller avec N'Gabo et El Colectivo. Tout de suite après la pub. Pour le prochain tirage du Loto 649, le gros lot est évalué à 20 millions. 20 millions, ça change pas le monde. Sauf que... Vous aspirez à une carrière artistique? Vous cherchez une école pour apprendre la musique ou le théâtre avec des professeurs de grand talent? Entrez en scène au Conservatoire. Cette école forme les artistes qui donnent à la scène musicale, théâtrale et cinématographique une vitalité exceptionnelle et une renommée internationale. Instrumentiste, chanteur, compositeur, chef d'orchestre, metteur en scène, comédien, scénographe, si ces métiers vous intéressent, inscrivez-vous avant le 1er mars. Le Conservatoire vous offre même de devenir élève d'un jour. www.conservatoire.gouv.qc.ca. Le Cercle Evox revient en force avec l'événement Les Arts Studios. Lors de cette 6e série de concerts captés en direct sur Vox Québec, 12 groupes et artistes de la région défileront dans un véritable festival de musique émergente. Le 12 janvier dès 8h, soirée folk blues et country rock avec Denis Vielband et Urban Cowboy. Le 18, pop rock et électro avec Dance Overall et Pickefeller and Electro Gang. Et le 19, grunge et rap avec Hayley Sin et Black Taboo. Ça se passe au Cercle, ça se voit sur Vox, en collaboration avec DMP, Impact Campus, Boréal et CKRL 89.1, le-cercle.ca. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au Théâtre de la Bordée, 315 rue Saint-Joseph-Est, à la librairie Pantoute Vieux-Québec, 1100 rue Saint-Jean et Saint-Roch 286 rue Saint-Joseph-Est, et au Centre de yoga de Québec, 1355 3e avenue Limoilou. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être pire. C'est KRL. Champion. El Collectivo, La Valse des Bouffons, juste avant, c'était Ngabo Berceau Bercail, pardon. Voilà un peu de chaleur et de soleil dans cette froidure du mois de janvier. Juste avant la pause, ben, vous êtes toujours à l'écoute de La Fausse Patte, mesdames et messieurs, CKRL 89.1. Pour ceux qui se joignent à nous, eh ben, on a discuté depuis le début de l'émission avec M. Alexandre Warnet, qui est notre chroniqueur et co-animateur invité. Vous savez que notre amie Catherine Dorion est en congé maternité présentement. On a parlé de nationalisme cosmopolite. On a parlé également de renaissance de la souveraineté. On vient de quitter Stephen Guilbeault d'Équiterre qui nous a jasé un peu de son rapport sur les énergies émergentes qui a été livré il y a plus d'un an et demi au gouvernement libéral. C'est une commande de Nathalie Normandeau, alors ministre des Ressources naturelles. Et bien, on s'est questionné aussi sur le fait que ce rapport-là n'a pas encore été mis à jour. Donc, on se questionne sur le pourquoi du comment. Évidemment, je vous laisse vous, en tant que bon gérant d'estrade politique, à faire votre propre opinion là-dessus. Et puis, ben, écoutez, pour la suite des choses, cet après-midi, ben, on est de retour en onde, toujours en compagnie d'Alexandre, et on accueille en studio Julien. Salut Julien, ça va bien? Salut Christian, ça va très bien. Oui, alors Julien, qui est organisateur politique pour Option nationale, et comme annoncé en début d'émission, ben, la souveraineté du Québec sera le grand thème général de cette émission. Et ce qui fait couler beaucoup d'encre, ce qui excite les pixels sur Internet et qui fait évaporer beaucoup de salive présentement, c'est cette fameuse idée d'alliance au sein du groupe souverainiste. Hein. On sent presque que c'est la communauté de l'anneau qui s'unit pour aller vaincre Sauron en terre du Mordor. Donc, Julien, on t'a fait venir ici cet après-midi parce que Option nationale a été le premier parti politique ouvertement souverainiste qui s'est montré ouvert à cette alliance, cette fameuse alliance entre les partis souverainistes à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Exactement. Il faut savoir que cette idée-là est court dans les instances péquistes, instances Option nationale, peut-être même aussi un peu à Québec solidaire dans une moindre mesure depuis un bon moment déjà. Par contre, c'était larvé, là, on n'entendait pas ça beaucoup au niveau des hautes instances. Mais là, on sent qu'il y a peut-être beaucoup de brassage d'idées qui se fait au Parti québécois en ce moment-ci. Ils voient d'autres partis indépendantistes en train de lever. Puis ils se demandent un peu comment rattraper la balle au bon et essayer d'éviter une catastrophe généralisée là, pour la prochaine élection. Catastrophe généralisée, parce qu'on parle, évidemment, ce qui prône, ce qui menace, c'est vraiment une débâcle complète du PQ. Évidemment, on a encore parlé tout à l'heure avec Alexandre. Alexandre, tu peux même te prononcer là-dessus si jamais vous avez des opinions. On a peur que le PQ obtienne le même destin que le Bloc québécois le 2 mai, qui est vraiment une date de bascule apparemment au niveau politique et social. Donc, ça serait pas d'abord une mesure d'urgence pour le PQ? Ben, dans le fond, c'est sûr que quand on regarde en arrière de nous autres, qu'on voit tout ce qui s'est passé avec le Bloc québécois, on se demande comment, pour la prochaine élection, ça va être possible de s'organiser en souverainiste. Parce que, bon, moi, je suis pour Option nationale, mais il faut regarder l'enjeu sur un peu plus largement que ça, puis regarder pour les indépendantistes au Québec. On a 3 partis indépendantistes sur les rangs maintenant, trois partis indépendantistes sérieux, même d'autres plus petits. Il y a une élection qui s'en vient, peut-être au printemps, peut-être plus tard. Dans tous les cas, comment espérer, face à la machine à Legault, face à Jean Charest, diviser le vote indépendantiste en 3/3 au final. Là. Évidemment, ce ne sera pas tiers, mais dans tous les cas, moindrement, Option nationale fait un résultat intéressant, Québec solidaire fait un résultat intéressant, et le Parti québécois aussi, on s'en va vers la défaite, là. On s'en cachera pas. Le pari d'Option nationale, c'est que ça prend une option fermement indépendantiste pour rallier tout le monde, à tout le moins pour mettre l'option au vu au su de toute la population du Québec, donc d'offrir au moins l'alternative. Mais c'est sûr que personne ne souhaite qu'aux prochaines élections, on se ramasse avec Charest et Legault uniquement à l'Assemblée nationale. Parce que c'est ce qui menace présentement selon les sondages officiels. Il y a un sondage Léger Marketing qui est sorti il y a quelques jours. Ben, d'ailleurs, ça bouge beaucoup, hein, ça brasse énormément. L'électorat est vraiment très fébrile. De toute façon, c'est pas nouveau, hein, au Québec depuis, mettons, les 10 dernières années. Depuis le dernier référendum, en fait, l'électorat est vraiment très changeant. Un électorat quasi bipolaire, si je peux m'exprimer ici. On vote extrême-gauche dans le paradigme fédéral, puis on veut voter pour la droite. Et quelques années plus tard, on donnait extrême droite avec l'ADQ, je parle d'extrême droite, on s'entend, c'est pas le Front national français, mais l'extrême droite de notre paradigme politique au Québec. Donc, on fait à peu près, excusez-moi, mais on fait à peu près n'importe quoi, d'accord? Ouais, bipolaire, même schizophrène à certains moments, là, les deux en même temps, à droite un côté, à gauche de l'autre, ça vient assez mélangeant. On va sortir une formule qu'on entend souvent, le changement, c'est ça qu'on veut. on lit pas les programmes, on n'a aucune idée. La personne a une belle gueule, ça a de l'allure ce qu'elle dit, ça dit grosso modo. Voilà. Et voilà, ben c'est ce que Vincent Marissal appelait le syndrome du char neuf. Peu importe où ce qu'on s'en va, l'important, c'est d'aller dans un char neuf, n'est-ce pas? Ouais. Et OK, là, quand on parle d'alliance, La première fois qu'on a parlé, entendu parler d'alliance politique, c'était il y a quelques années lorsque Stephen Harper s'est fait élire pour une énième fois minoritaire sur la colline parlementaire à Ottawa, aux communes. Et là, Jack Layton, le NPD, les libéraux à ce moment-là de Stéphane Dion, avaient fait ici une entente d'alliance avec un appui du Bloc québécois. Et là, ça avait fait une espèce de tollé. C'est la première fois qu'on entendait parler de ça. La dernière fois que ça avait eu lieu à Ottawa, ça avait été hyper court comme règne. Et là, tout le monde disait que dans le parlementarisme britannique, le même qu'on a ici, c'est la formule britannique de parlementarisme, ça ne se peut pas. D'accord? Donc, moi, la première fois que j'ai entendu parler ça d'alliance, je me suis dit, bon, ça y est, ils vont essayer de se faire élire un peu partout. Et là, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est prendre le pouvoir en se disant, OK, là, avec la trolée de députés qu'on a, QS, Option nationale, Parti québécois, on va tous se mettre ensemble, puis on va essayer de prendre le pouvoir à ce moment-là. Mais c'est pas ça qui est proposé, Julien. Non, exactement. En fait, ça serait pratiquement impossible à faire au Québec. Dans le cas que tu parles, c'est plus une alliance au niveau parlementaire. Donc, okay, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça implique qu'un gouvernement qui est pas le parti qui a obtenu le plus de sièges, à strictement parler, lors de la dernière élection, qui va prendre le pouvoir, mais plutôt avec une entente de plusieurs partis minoritaires, mettre un autre parti, un autre premier ministre au pouvoir que le parti qui a obtenu à strictement parler. Donc, ça prend l'élection d'un gouvernement minoritaire, premièrement, puis ça prend une entente avec tous les partis qui s'opposent à ce gouvernement-là pour le renverser. Au Canada, ça s'est vu très rarement. Je pense que peut-être une centaine d'années c'est arrivé, mais donc c'est quelque chose d'excessivement rare, qui est possible, mais qui est très rare. Mais là, on ne parle pas du tout de ça pour le cas actuel. Mais l'ironie là-dedans, c'est que c'est le pouvoir du gouverneur général au Canada et du lieutenant-gouverneur, ouais. Donc le représentant de la monarchie britannique, de dire non, ce ne sera pas le chef ou la chef du parti qui fait voilà. élire le plus de députés, ça sera vous, parce que vous avez, pour x, y raison, plus de légitimité. Exactement. La belle ironie. C'est la monarchie qui fait l'arbitre, alors qu'on nous dit que c'est un pouvoir complètement symbolique. On se rend compte ces temps-ci qu'il peut même décider du gouvernement du Canada. Effectivement, et puis de toute façon, et qui plus est, c'est une loi qui n'est même plus britannique. C'est une loi maintenant qui est normalement canadienne, qui est le rapatriement de la Constitution en 82. Quel beau bourbier, formidable. Bon, alors mes chers amis, Julien, explique-nous donc théoriquement, c'est quoi cette fameuse alliance? On dit que, pour ceux qui connaissent le système électoral français au niveau des présidentielles, ce serait une primaire. Voilà. Une sorte de primaire. Ben, on va être obligé de rester beaucoup dans le conditionnel parce que pour l'instant, il y a une idée générale qui est sur la table, mais rien de très précis. Là. On dit qu'il y a des discussions qui ont lieu, mais tout le monde nie même ces discussions-là. Ouais. Donc, on est un peu dans le flou. Par contre, à ce à quoi ça ressemblerait, disons, pour un comté donné, c'est-à-dire que tous les gens de la population seraient invités à voter pour le parti indépendantiste de leur choix. Donc, a priori, Québec solidaire, Option nationale et le Parti québécois. Donc, moyennant probablement le versement d'une petite somme d'argent, puis une déclaration à l'effet que, de manière générale, le citoyen en question est en faveur de l'indépendance du Québec au sens large, Québec solidaire, PQ ou Option nationale. Et puis, dans un comté donné, le candidat qui aurait reçu le plus de votes de la part de la population sous ce régime-là serait le candidat indépendantiste, mais qui se présenterait sous son parti. Donc, dans le fond, ça serait de diviser entre les trois partis, à l'aide d'une élection comme ça, préalablement à la réelle élection. Donc, qui se présenterait où? Ce qui éviterait le chevauchement puis la division du vote indépendantiste. Donc, il y a plusieurs questions qui sont soulevées par ça, dans le sens que, au niveau de l'organisation, là, le diable se cache dans les détails, comme on dit, dans le sens que, pour un parti comme Option nationale, tout va se jouer au niveau de quelle va être l'entente, strictement parlée, sur comment on va pouvoir diviser ce vote-là. Parce que si ça marche juste comme ça, a priori, Option nationale, dans son état d'organisation actuel, ne peut pas espérer de remporter contre le Parti québécois, énormément de comtés. Donc, parce qu'Option nationale est un parti qui est en croissance. Québec solidaire peut-être un peu moins un parti en croissance, mais malgré qu'il prétend quand même de le devenir encore plus gros. Donc, dans la plupart des comtés au Québec, le Parti québécois serait pratiquement pas contesté. Ce qui donnerait à la machine péquiste, qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'employés, probablement aussi plus de visibilité médiatique dans un cas comme ça, la possibilité de concentrer ses ressources dans Mercier, dans Gouin, dans Nicolas Yamaska, pour essayer de battre tout simplement l'ensemble de ses adversaires, puis se retrouver encore une fois le seul parti à représenter les indépendantistes. Là. OK, donc si je comprends bien, si je te suis bien, là, Julien, c'est que, mettons dans un comté, je prends par exemple ici, là, c'est dans Québec, mettons où Agnès Maltais elle est, donc tous les souverainistes de ce comté-là, dans un côté X. Mettons à Nicolas Yamaska, on prend celui de Jean-Martin Hossain, ouais. Par exemple. Tous ceux qui se disent souverainistes dans Nicolas Yamaska pourraient s'inscrire à une liste électorale et à ce moment-là pourraient, selon, pour financer cette élection-là, une petite somme d'argent mettons 20$, on paie 20$. Oh, probablement moins que ça, peut-être 2 ou 3 $. Voilà, c'est ça. Donc, un droit de vote. Et là, il aura à se prononcer, moi en tant que souverainiste, Christian Saint-Pierre, mettons, je m'en vais voter là. Et mon choix entre Québec solidaire, puis le Parti québécois et l'Option nationale, moi, je choisis, par exemple, Québec solidaire. Ça marche. Donc, et à la fin de cette primaire-là, le parti, le candidat qui a plus de votes, se présente et les deux autres partis consentent à ne pas présenter de candidat. Exact. C'est bien ça? Voilà. Très bien. J'ai deux points là-dessus. La question de l'argent, ça revient à payer pour pouvoir voter pour le candidat souverainiste. C'est pas un peu antidémocratique? Ben, dans le fond, ça relève d'une entente privée entre les trois partis. Donc, chacun des partis va avoir avantage à convaincre un maximum de citoyens que ça vaut la peine de se présenter là pour voter. Puis bon, reste qu'au final, si l'entente est signée entre les trois partis, ben ça va être le résultat de cette élection-là qui va proposer le prochain candidat. Mais il faut savoir que de toute façon, il y a un processus comme ça qui précède l'élection, mais qui actuellement est à l'interne de chacun des partis. Donc là, on se ramasse avec trois couches. Mais qui est gratuit. C'est-à-dire que c'est les membres du parti. Ben, c'est les membres, mais la carte de membre coûte en général entre 5 et 10 $. Là. Donc c'est un peu le même principe, dans le sens que cette élection-là ne sera pas gratuite pour les partis à organiser. Et puis, elle ne sera pas non plus payée par le gouvernement comme une élection générale. Donc, quelque part, il faut aller chercher des sous là, pour financer tout ça. Dans le fond, le quelques dollars, là, ça, c'est d'inspirer du Parti socialiste qui a fait ça récemment. D'ailleurs, ça a très bien marché, avec une formule à peu près équivalente. Voilà, ce qui a permis l'élection de François Hollande à la tête du Parti socialiste. Exactement. Bon, voilà. Et l'autre point, en fait, si j'ai bien compris la formule, admettons pour l'exemple que tu as donné, dans Nicolas Yamaska, que dans cette primaire-là, ce ne soit pas le seul député d'un parti, donc d'Option nationale par exemple, qui est élu. C'est-à-dire qu'à la primaire, c'est Québec solidaire, le Parti québécois, donc il y aura un candidat souverainiste, indépendantiste, et ce n'est pas le seul candidat. Est-ce que ça veut dire qu'il se présenterait ailleurs? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun candidat de... Ben, j'ai l'exemple en date très précis du chef d'Option nationale. Ben, si dans le comté de Jean-Martin à ouais. Nicolas Yamaska, c'est le candidat solidaire qui gagne, ça veut dire que Jean-Martin ne se présenterait pas dans son propre comté. Okay. Donc c'est ça qui est un peu délicat aussi, dans la mesure où Option nationale et Québec solidaire sont relativement petits par rapport au Parti québécois, à tout le moins pour l'instant. C'est sûr que le Parti québécois a avantage à proposer ça en probablement en pouvant parier qu'avec ses ressources accrues, il pourrait peut-être même aller battre les chefs des autres partis et donc probablement s'en débarrasser. Même chose avec Mercier, ouais, à Mercadier. Voilà, merci au Gouin pour François David. Et voilà, je ne sais pas qui le PQ voudrait présenter dans Mercier. C'était Daniel Turb, je pense, à la dernière élection. Ça a été Daniel Turb, ça pourrait être quelqu'un d'autre. L'histoire, c'est que probablement que relativement peu de gens vont aller voter dans une élection comme ça, comparativement à une élection générale. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour une machine électorale puissante de faire la différence. Donc, avec beaucoup d'argent, beaucoup de publicité, puis beaucoup de monde sur le terrain, ben dans un comté donné, ça va être possible de faire sortir les 1000 ou 2000 personnes. Ça va être nécessaire pour gagner. Est-ce que, par exemple, si Jean-Martin Hossan est le candidat souverainiste qui ressort dans Nicolas Yamaska, est-ce que la machine du PQ va l'appuyer? Ben, probablement pas la machine. Ça, c'est l'autre question. Dans la mesure où, dans le fond, c'est un combat préalable entre ces trois parties-là, à savoir qui est la machine la plus puissante déjà sur le terrain. D'accord. La faveur populaire. Non? C'est ça que ça devrait être en théorie. Donc, si de toute façon, si Jean-Martin dans son comté gagne contre le Parti québécois et contre Québec solidaire, même en présumant que ces deux parties-là vont pas activer complètement leurs ressources pour faire élire Jean-Martin, ce qui, au final, c'est ce qui serait souhaitable, qui serait, dans le fond, à encourager. Mais bon, réalistement, c'est probablement pas ça qui va arriver. Sauf que si Jean-Martin gagne dans son propre comté, ça veut dire qu'il a été plus fort que ses deux adversaires et donc on peut présumer qu'il va être supérieur aux autres aussi pour se faire élire. OK. Alors, il y a eu beaucoup de réactions, évidemment, dans les journaux. Ça fait, encore une fois, je le répète, couler beaucoup d'encre. Le grand défenseur de cette théorie-là, c'est Bernard Drainville, au sein du Parti québécois, qui, vraiment, son cri du cœur dans le journal Le Devoir, ce week-end, était... c'est de voir... moi, j'y vois un parti complètement désespéré, si vous voulez mon avis. Et la presse fait souvent ça, poser une question à des intellectuels et tout ça, des intervenants, et voici les courtes réponses qu'ils ont livrées. Sur cette question d'alliance-là, celle du professeur Marc Simard, qui enseigne l'histoire au collège FX Garneau ici à Québec, me semblait la plus, à mon avis, à mon œil à moi, la plus lucide. Et je vous la lis et je vous rendrai vos réactions là-dessus. Alors lui, son scénario s'intitule « QS par KO ». Dans ses épanchements, il parle de Bernard Drainville, etc., et sa formule commence ici. D'abord, selon lui, les prochaines élections provinciales... ces alliances-là vont empêcher la débâcle du PQ dans les prochaines élections provinciales. Lui dit que Bernard Drivel a tout faux parce que les écueils sont omniprésents. Non seulement Pauline Marois y était l'opposée, ça a changé, s'est montrée ouverte à ça, c'est dans les journaux aujourd'hui. Et ça date du week-end, si ma mémoire est bonne. Mais il est douteux que les péquistes, particulièrement ceux de l'Est de Montréal, aillent à l'abattoir avec enthousiasme. De plus, il n'est pas certain que les militants de Québec solidaire eux-mêmes désirent s'acoquiner avec le PQ, parti qu'ils ont déserté dans de grandes souffrances idéologiques il n'y a pas si longtemps. Enfin, il faudra convaincre plusieurs candidats péquistes, principalement dans Montréal, et encore plus de candidats solidaires ailleurs au Québec, de renoncer à se présenter, ce qui ne se fera pas sans qu'on déchire beaucoup de chemises, une des spécialités du mouvement souverainiste. Ensuite, parce que ce serait pour le PQ un marché de dupes à cause de la concentration de l'électorat solidaire dans les villes. QS pourrait en effet abandonner la lutte dans un grand nombre de circonscriptions de province où il est marginal, et ce, sans gain tangible pour le PQ. En échange du désistement des péquistes dans une vingtaine de comtés urbains où il aurait une chance réelle de faire des gains. Résultat, le PQ n'en retirerait que très peu de sièges tout en perdant un grand nombre de suffrages, donc de subventions, tandis que QS ferait élire plusieurs députés, bonifiant ses finances et augmentant son audience à peu de frais. Une idée d'apprenti sorcier. Ouais. Lui, il semble présumer qu'il va y avoir un genre d'échange qui va procéder entre Québec solidaire et le Parti québécois. Il mentionne que en échange de quelques comtés des villes, QS abandonnerait les comtés des régions. Je pense plutôt qu'en pratique, c'est surestimer la force de Québec solidaire. Parce que même en concentrant le vote solidaire, par exemple, ici dans Taschereau, le vote solidaire est particulièrement concentré comparativement à ailleurs. Donc, je pense que dans l'élection, on a peut-être fait 15 ou 20 % même comme ça, c'est loin d'être sûr que Québec solidaire va gagner contre le Parti québécois dans cette circonscription-là, qui est pourtant une de ses plus fortes. Donc, en abandonnant des endroits, Québec solidaire abandonnerait, dans le fond, des comtés de régions où, de toute façon, ils sont à peu près pas présents. Ben, c'est ce qu'il dit là-dedans, là, en fait. Là. C'est ça, mais à mon avis, c'est une erreur d'analyse, parce que Québec solidaire n'a pas de ressources à transférer des régions vers les villes, parce qu'ils n'ont à peu près pas de ressources en région. Donc, à mon avis, les comtés de région, de toute façon, seraient donnés au Parti québécois. Parce que, sauf quelques exceptions, il n'y a aucun autre parti souverainiste qui pourrait les contester sérieusement. Très bien. Alexandre, réaction là-dessus? Oui. Ben, tout d'abord, je rappelle que moi, je suis non-partisan. Je n'ai aucune carte de parti. Donc, je me permets de tirer un peu partout. D'une part, rappeler, et j'espère que ma mémoire est bonne, mais quand un congrès ou une instance nationale, Québec solidaire a décidé au printemps dernier d'avoir 125 candidats-candidates. Donc, déjà, le parti, les membres ont décidé que... Donc, si jamais il y avait une entente sur la table, il faudrait qu'ils reviennent en instance, la plus grande instance de leur parti, le Congrès, je crois, pour refaire ça. Donc, ça, c'est intéressant à noter. Et pour Option nationale, d'un point de vue extérieur, ce que ça peut donner, cet appel dès le départ à une ouverture, en fait, à une coalition ou à un travail ensemble... Et c'est une question qui peut arriver de l'électorat, de gens qui ne sont pas trop au courant, et peut-être même de gens qui sont très au courant. Pourquoi sortir du PQ pour tout de suite dire « on est ouvert à travailler avec vous » ? Ben, dans le fond, je pense que la démarche d'Option nationale, c'est de vouloir réaliser l'indépendance du Québec. Bon, de ce point de vue-là, l'intérêt, c'est pas tant de maintenir la bannière Option nationale à tout prix. Donc, si on pense qu'il y a un moyen pour Option nationale de continuer à transmettre ses idées, là, qui sont une démarche claire et franche vers l'indépendance du Québec, tout en préservant au maximum le Québec de la réélection des libéraux ou de François Legault. Je pense qu'il y aurait de l'intérêt vers ça. D'ailleurs, Jean-Martin Hossan l'a mentionné dans un article au Devoir. Il disait si le Parti québécois serait en ligne vers une démarche d'accession à l'indépendance claire, ben, ce genre d'alliance-là, qui au fond n'est pas tant que ça une alliance, parce qu'il va y avoir combat électoral entre les trois partis. Il va y avoir débat d'idées. Dans le fond, il va se faire au préalable à l'élection générale. Nous, ce qu'on rajoute, c'est une couche. Donc, on dit, pour ne pas se combattre entre nous, qui sommes des indépendantistes, lors de l'élection générale, on va se combattre avant. Les meilleurs d'entre nous passeront l'élection générale. Et puis, ça permettra, au final, à tous les partis d'être représentés, à personne de faire de concessions sur les idées, et puis sur les débats, de pas céder à essayer de planifier tous les débats, mais le tout en sauvant les meubles autant que possible. Donc, tous ceux qui avancent l'argument de non-compatibilité parlementaire entre, mettons, Amir Kadir et Pauline Marois, ben ça ne tient pas le coup parce que c'est pas une alliance parlementaire, c'est une alliance électorale où, bon, voilà, on évite de s'entre-déchirer entre souverainistes. Ouais. Très bien. Maintenant, on va faire une pause. On va revenir tout de suite après un petit bloc musical. Et Julien, tu auras 10 minutes pour réfléchir. Cette situation-là, c'est quoi l'avantage qu'il trouve Option nationale dans ce principe d'alliance des forces souverainistes, surtout dans ce contexte préélectoral, en fait, dans cette opération préélectorale

CKRL. À Québec. C'est le Samson, ça le mot high-tech, je parle pas de Samson. Si le rap avait du poil, on m'appellerait Samson. Depuis le temps, j'ai pris du poids, je deviens pas les Samson. Si le hip-hop avait une arme, on m'appellerait Chanson. Malgré tout, je suis bien content, surtout depuis que je chante souvent. Hauteville, Basseville, One Love. Dernier quart d'heure de l'émission La Fausse Patte de ce 18 janvier 2012. Nous sommes en pleine discussion sur cette fameuse nouvelle qui bat tambour et trompette un peu partout dans les médias. C'est cette alliance du mouvement souverainiste au Québec qui a été en fait lancée par Bernard Drainville, Jean-Martin Hossan d'abord dans un premier temps lors de la fondation de son parti Option Nationale. Bernard Drainville qui a repris le flambeau. Sylvain Pagé également en a parlé. Et là, Pauline Marois s'est montrée aussi montré une ouverture envers cette alliance. On en discute avec d'ailleurs Julien Godreau qui est organisateur pour Option Nationale ici à Québec. Alexandre Varnet, également notre co-animateur invité, on va poursuivre le débat. Il nous reste à peu près juste une quinzaine de minutes. Donc, on va essayer de faire rondement. Il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus. Je te demandais, Julien, avant la pause, quels étaient les avantages pour Option Nationale de cette fameuse alliance du mouvement souverainiste? Oh, pardon. Vas-y. Je vais y aller avec les avantages, mais il va falloir aussi parler des inconvénients. Il y en a quelques-uns. D'accord, vas-y. Pour les avantages, c'est sûr qu'Option Nationale est un parti en croissance. Donc, on ne peut pas affirmer qu'Option Nationale a des chances réellement contre le Parti québécois dans beaucoup de comtés. Puis, on parle contre le Parti québécois, mais de manière générale, aux prochaines élections, on ne peut pas présumer qu'Option Nationale va obtenir beaucoup de comtés. Pour l'instant, Option Nationale, c'est surtout une saignée de militants. Donc, c'est des militants indépendantistes, beaucoup qui quittent le Parti québécois, d'autres qui relèvent la tête puis qui se disent qu'Option Nationale peut être un espoir intéressant, qui n'était pas nécessairement au Parti québécois, puis même certains Québec solidaires qui rejoignent le mouvement. Donc, il y a une structure de militantistes qui se crée, qui commence à avoir une certaine envergure, mais en termes électoraux, on n'a pas encore traversé beaucoup l'espèce de barrière médiatique. Donc, la population en général n'est pas tellement au courant de l'existence d'Option Nationale. Le deviendra peut-être au fil des années, mais ça, c'est quelque chose qui se construit. Donc, dans l'état actuel des choses, puis étant donné qu'il y a des chances qu'il y ait des élections qui s'en viennent très bientôt, pour Option Nationale, c'est sûr que la priorité, c'est de conserver ses acquis. On pourrait pratiquement dire son acquis, c'est-à-dire son chef, Jean-Martin Hossan. Et donc, dans un contexte où les élections seraient relativement bientôt, puis on pourrait même dire que dans 2 ans, là, c'est relativement bientôt pour une organisation comme Option Nationale, ben, le fait de pouvoir, dans le fond, gagner l'absence d'opposants indépendantistes à Jean-Martin dans son comté pour Option Nationale serait déjà un gain intéressant. Donc, ça permettrait la survie parlementaire du parti. Puis bon, après ça, on aurait un solide 4 ans pour qu'on continue à construire, puis grossir, puis de mieux s'organiser. Donc, les inconvénients? Ah bon, ça, il y en a quand même une liste intéressante aussi. Donc si on se base sur un fonctionnement tel que je l'ai décrit tantôt, donc simplement dans chaque comté, nonobstant du comté, celui qui a le plus de votes gagne. Bon, bien là, j'ai parlé de stratégie, c'est-à-dire que le Parti québécois a beaucoup de comtés, va avoir beaucoup de facilité pour pouvoir transférer ses ressources dans les quelques comtés contestés qui appartiennent à Québec solidaire ou à Option nationale. Donc, ça va faire beaucoup de travail à faire dans le comté de Jean-Martin, même dans un cas comme ça. Puis on risquerait de perdre Jean-Martin même avant une élection, ce qui, à tout prendre, là, ça serait mieux de voir Jean-Martin se faire battre à une élection que se faire battre avant l'élection. Donc, ça, c'est un désavantage majeur. L'autre désavantage, c'est qu'il y a de l'argent inhérent à avoir des votes lors d'une élection. Oui. Si Option Nationale présente 125 candidats partout au Québec, ou même 60 ou 40, peu importe, le nombre de votes qu'on va obtenir, même si, bon, a priori, il ne sera pas extrêmement élevé, ça va donner de l'argent au parti pour les prochaines années pour permettre de se construire. Si on obtient seulement quelques comtés, même si dans ces comtés-là, évidemment, on va avoir des meilleurs scores, probablement qu'on n'aura pas autant de votes que si on avait présenté des gens partout. Donc ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est que pour le Parti québécois, en présumant que dans une situation comme ça, ils vont avoir des candidats presque partout, là, excluant quelques comtés Québec solidaire et Option nationale, pour leurs militants, le Parti québécois va continuer de demeurer l'espèce de parti institutionnel souverainiste, l'espèce de parti pour lequel on vote de base si on est souverainiste. Par contre, quel genre d'espoir ça va donner aux militants puis aux partisans d'Option nationale de dire qu'on a juste quelques comtés où on présente des candidats? Donc, ça fait un peu parti petit frère du Parti québécois. Ça ne représente pas une réelle menace face au Parti québécois pour l'obtention l'espèce de grosse masse de vote indépendantiste qui existe au Québec. Ça fait un peu moins sérieux. Ça fait moins sérieux, puis ben, ça limite la croissance aussi quelque part, parce que après ça, on ne pourra pas savoir à quel point Option nationale a du potentiel dans les autres régions du Québec. Même si on fait des scores intéressants dans les quelques comtés où on a gagné, ben, ça ne donne pas d'indicatif sur notre potentiel de croissance future, puis ça ne représente pas une menace face au Parti québécois. Donc on tomberait dans une espèce de mode où le but d'Option nationale va être plutôt de s'organiser pour des éventuelles primaires que pour des éventuelles élections, puis c'est des débats qui sont différents souvent. OK, j'imagine qu'Option nationale, avant de joindre cette alliance-là, ces primaires-là ont des conditions à poser. Lesquelles sont-elles, ces conditions? Ben, bon, je peux pas parler pour Option nationale, ben, je m'appelle pas Jean-Martin Rossard, non, non, on n'a pas eu de congrès pour l'instant même. Si j'avais les conditions à poser, ouais, selon l'analyse personnelle de Julien Godreau. C'est ça, exactement. Faut être très clair. Bien sûr, bien sûr, ça va de soi. Donc, moi, la condition que je poserais, c'est sûr, de prime abord, c'est que les comtés des chefs des différents partis ne sont pas contestés. Donc, a priori, on penserait à un chef par parti, mais là, il y a le cas de Québec solidaire qui a deux chefs. Est-ce qu'on va leur laisser deux comtés non contestés? Bon, dans le cas de Gouin, je pense que Nicolas Girard et le Parti québécois ne sont pas très contents si on fait ça. Donc, ça serait évidemment quelque chose à discuter. Mais déjà, en partant, si on pouvait s'assurer que le comté de Pauline Marois, d'Amir Kadir et de Jean-Martin Rossan sont protégés, ben, on s'assure de pacifier un peu le débat en évitant des espèces de tentatives de trancher la tête, dans le fond, d'une des machines électorales en présence. Oui, ça fait frère ennemi, là. Exactement, là. Donc, si Pauline Marois était battue, même advenant qu'il y a beaucoup de comtés qui ont été remportés par le Parti québécois, je pense qu'il y aurait un genre de hargne. Et ça ferait les choux gras de la droite fédéraliste, là, de dire à regarder les péquistes, ils se poignardent entre eux. Ouais, encore un chef qui tombe, là. Puis bon, évidemment, dans ce cas-là, le chef serait même pas réélu par la suite. Là. Voilà. Parlant de chef qui tombe, Alexandre aussi, je voudrais t'entendre là-dessus. Et là, il y a un joker qui vient de tomber là-dessus. Pendant que Pauline Marois est hyper contestée, elle s'acharne, elle s'entête, Bernard Drainville, les députés qui s'en vont, et là même à l'intérieur du caucus. Bon. M. Gilles Duceppe qui refait surface, Radio-Canada aujourd'hui, sur son site internet, il y avait une nouvelle qui est sortie, qui M. Pierre Duchesne, qui est, moi je trouve, probablement un des journalistes les plus crédibles au niveau de la politique québécoise et canadienne, sinon le plus crédible à mon avis, et là depuis des années, qui titre ceci dans un article, « L'ex-chef bloquiste Gilles Duceppe fait savoir depuis quelques jours aux membres de sa garde rapprochée qu'il est désormais prêt à prendre la place de Pauline Marois comme chef du Parti québécois, indique plusieurs sources de Radio-Canada. Le ténor souverainiste utiliserait les membres les plus loyaux de son entourage pour faire savoir à des députés, des organisateurs politiques et des journalistes qu'il est prêt à diriger le Parti québécois. » Et là, on parle beaucoup du SPQ libre qui a été mis à la porte du parti du Congrès par Pauline Marois, messieurs Laviolette et Dubuc, qui s'acoquineraient justement avec le chef qui est reconnu comme étant beaucoup plus radical au niveau de ses positions. Alors, votre opinion là-dessus, messieurs Godreau et Barnett, est-ce que ça va jouer quelque chose dans toute cette saga? Mais si je peux me permettre de revenir juste à ta question précédente sur les conditions pour une telle alliance, moi j'ajouterais une condition que si jamais un gouvernement est élu de cette façon, le gouvernement indépendantiste est élu soit parce que l'hypothèse qu'on a dit tantôt, que l'ensemble des élus font que le gouvernement serait plus légitime, j'ajouterais la condition d'un engagement à instaurer la proportionnelle. Un système de vote, d'élection proportionnelle éviter de devoir refaire ce même genre de... Qui est à la base, le deuxième item de la plateforme du PQ à sa fondation. Le premier, c'était la souveraineté du Québec, et le numéro deux, c'était l'établissement de la proportionnelle. Pour faire une histoire courte, mesdames, messieurs, pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est qu'au lieu de gagner les élections par comté, c'est par pourcentage de vote du public, c'est-à-dire les citoyens votent, et si un parti obtient, je ne sais pas moi, 54%, mais là, il a une majorité à l'Assemblée nationale. Et non pas parce qu'il a gagné des députés, parce que présentement, les conservateurs à Ottawa sont majoritaires, ils ont les pleins pouvoirs avec 39% des suffrages seulement. Donc, c'est vraiment le gros défaut du parlementarisme britannique. Sur la nouvelle... Oui. Gilles Duceppe, ben en fait, est-ce que c'est vraiment une nouvelle? Dans un sens, je pense qu'on le voit venir depuis un petit bout de temps. Et il y a beaucoup de points d'interrogation. Tu sais, pour l'instant, il dit si Pauline Marois tombe, ça veut dire que si ou elle tombe, elle quitte. Ça risque d'être le cas. Elle a de l'air bien en selle, finalement, jusqu'aux prochaines élections. Donc, on présume que les prochaines élections ne seront pas fatales pour le Parti québécois. On présume de beaucoup de choses. Est-ce qu'elle va démissionner, même si elle a un échec électoral? C'est la boule de cristal, là, elle est très, très brumeuse. On ne sait pas ce qui va se passer. Effectivement, mais en fait, moi, je me demande si ce n'est pas pour les prochaines élections qu'on verrait Gilles Duceppe, là. Il n'y aurait pas, si jamais le PQ, ça bouillonne par en dessous, il n'y aurait pas, justement, un vrai putsch, là. Parce que là, et si... OK, là, on pousse plus loin. Là, moi, présentement, j'ai du fun. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai du fun. OK, on spécule. Mettons que Gilles Duceppe réussit à prendre la place de Pauline Marois d'ici les prochaines élections. Le principe d'alliance, c'est plus le même du tout, là. Alors, je pense pas, je sais pas, l'acoquinement entre Gilles Duceppe et Amir Kadir ne sera pas du tout le même, parce que Gilles Duceppe a accusé Amir Kadir d'être responsable de la chute du Bloc québécois le 2 mai. Alors, est-ce que tout ça, Julien? Ben, dans le fond, l'arrivée de Gilles Duceppe au Parti québécois, c'est vraiment, vraiment pas évident, parce qu'il y a vraiment plusieurs données à prendre en compte. Donc, il y a l'électorat qui verrait ça d'un bon œil, a priori, en tout cas, selon les sondages. Mais ça, c'est toujours à prendre sous une certaine réserve, parce que l'électorat est très volatile, là, dernièrement. Il y a probablement beaucoup de députés qui, eux, verraient d'un très mauvais œil l'arrivée de Gilles Duceppe, parce que Gilles Duceppe est reconnu comme gérant des partis vraiment d'une main de fer, là. Donc moi, c'est mon ancien chef, Gilles Duceppe, j'ai milité pas mal au Bloc québécois. Puis effectivement, donc Gilles Duceppe avait un contrôle très très solide là, sur son parti, ce qui a des avantages évidemment en termes de cohérence du message, en termes de machine électorale et tout ça, mais qui, dans un parti habitué au débat franc, puis au débat d'idées, puis bon, certains diraient à la chicane comme au Parti québécois, l'arrivée de Gilles Duceppe, c'est probablement pas vu comme le parti de l'année. Là. Donc, pour le député moyen du Parti québécois, il regarde à gauche, il y a une grosse défaite électorale qui s'en vient. Il regarde à droite, il y a Gilles Duceppe qui s'en vient. Je pense que c'est un peu comme regarder entre la pendaison et la guillotine. Là. C'est entre deux mâles, lequel choisir. Mais il ne faut pas sous-estimer la volonté de survivre des députés aussi. Si ça passe par un chef qui a peut-être une poigne aussi de fer que Mme Marois, qui est aussi réputée pour ça, pour diriger la ligne, c'est sa ligne, nanana, mais que ça leur permet cette fois-ci de garder leur poste de député, ça risque de mieux passer. Surtout que Gilles Duceppe, et si tu permets, Julien, est vraiment bien... Le Québec en doit une à Gilles Duceppe à quelque part, parce que les gens se sentent coupables d'avoir laissé tomber un politicien qui... Non, ben, je sais qu'Alexandre, on y croit plus ou moins, mais moi, il y a peut-être un sentiment de... On y en doit une. C'est un homme qui s'est beaucoup battu pour le Québec, et finalement, de le voir complètement démoli le soir du 2 mai a peut-être fait réaliser aux gens ce qu'ils avaient fait. C'est pas une mauvaise chose, si vous voulez mon avis. Et deuxièmement, justement, au niveau... On parle du débat des chefs. Moi, je pense que Pauline Marois ne fera pas le poids devant François Legault, Jean Charest et éventuellement Amir Kadir. Mais justement, en tant qu'adepte de la game politique, on en parlait avec Alexandre avant l'émission, imaginez un débat des chefs si les cinq sont là. François Legault, Jean Charest, Amir Kadir, Jean-Martin Rossin et Gilles Duceppe. Ça serait complètement... Je pense qu'il aurait peut-être plus de force de se présenter contre ces hommes-là, question de porter les idéaux du Parti québécois. Mais avec le grand défaut de n'avoir que des hommes autour de la table. Ça, faut le mentionner. Il y a Mme David, qui est une possibilité. Il y a Pauline Marois, pour la première fois dans l'histoire. Une femme au débat des chefs. Une femme au débat des chefs, c'est jamais arrivé. Ça, bon, il ne faut pas, comme aux dernières élections américaines, il ne faut pas dire qu'il faut voter une femme parce que c'est une femme. Ce n'est pas ça l'idée. Il faut que les compétences et tout ça. Mais c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Je vais vous soumettre au moins deux choses. La première, c'est que Gilles Duceppe, il arrive, je pense, à peu près vers 64, 65 ans. Là. Donc, s'il n'est pas chef du Parti québécois pour la prochaine élection, là, ça veut dire qu'il faudrait qu'il attende quoi, encore à partir d'aujourd'hui, peut-être 6 ans ou 5 ans là, pour se faire réélire. Il tomberait pratiquement à 70 ans. Là. Effectivement. Pour Gilles Duceppe, là, la fenêtre qui s'en vient... Il va se faire tard. Ouais. Ça commence à être tard. Là. Bientôt, ils vont fermer les rideaux pour sa carrière politique. Et si ça sort dans les journaux, c'est parce que ça fait longtemps que ça magouille. Ou probablement. Ben, ça peut être délicat quand même, parce que des fois, il peut avoir magouillé juste un petit peu, puis les journaux en fassent beaucoup avec peu de choses. Okay. Mais ça, c'est le premier élément, donc l'âge de Gilles Duceppe. Le deuxième, c'est que Gilles Duceppe a été chef du Bloc québécois très longtemps. Avant ça, il a eu une petite carrière de syndicaliste et tout ça, mais il n'a jamais occupé de poste ministériel, n'a jamais été président d'une grande entreprise, n'a pas une formation universitaire de haut niveau, de haut vol. Donc, en tant que premier ministre du Québec, en termes de gestionnaire d'État, donc, il n'y a pas une expertise particulière à amener autre que le fait d'avoir été un leader très longtemps. Donc, ça peut être un avantage parce qu'évidemment, il a amassé beaucoup d'expérience sur l'État et tout ça. Mais ça, en termes de formation, en termes de son parcours, là, c'est pas nécessairement le chef tout désigné pour gérer l'État du Québec. Mais si je me mets à sa place, il pourrait dire « je suis pas là pour gérer un État, je suis là pour faire un pays ». Et sa gang du Bloc, hein, qui a milité, qui a été même l'opposition officielle pendant un bout, en connaissent des choses sur les compétences qui ne sont pas provinciales. Donc, et lui aussi, avec tout le temps qu'il a été là, a ramassé des connaissances du monde international, des compétences qui sont fédérales, qui pourraient être intéressantes. Puis c'est certainement ça qui va amener de l'avant si jamais il fait le saut. Messieurs, maintenant, le temps file à grande vitesse. Il ne reste plus beaucoup de temps. Petite nouvelle rapidement sur laquelle je vous demande de vous prononcer. Vite, vite. Oui, Julien, t'as quelque chose à dire? Juste un dernier point, parce que là, on parle, on présume que nécessairement, on va remplacer Pauline Marois par Gilles Duceppe. Oui, mais c'est une présomption. Mais si, dans ce processus-là, normalement, il y a une course à la chefferie. Donc, dans une course à la chefferie comme ça, c'est pas clair que Bernard Drainville, que d'autres députés, que Pierre Curzi peut-être, pourquoi pas Jean-Martin Hossan, on ne sait jamais dans des circonstances comme ça. Et donc, probablement que j'ai lu ça par actuellement, c'est ça qu'il est en train de regarder. Si je me présente au Parti québécois, est-ce que je vais être couronné? C'est pas pour me lancer dans une guerre civile. Non. Gilles Duceppe n'a plus l'âge pour faire les tranchées là, puis avoir une victoire à l'arraché après 4 tours. Là. Il va être couronné. Il va vouloir avoir un couronnement, puis c'est ça qu'il est en train de calculer actuellement. Très bien. Dernière petite nouvelle, messieurs, rapidement. Si on parle tout le temps là, de la division du vote souverainiste, là, c'est comme un thème dans les médias qui ressort souvent. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous annonce que le vote de droite fédéraliste sera divisé aussi dans l'avenir, parce que, vous avez tous connu, on a tous suivi la saga de la CAQ. Qui s'est marié, qui a gobé, en fait, l'ADQ. L'ADQ, ce mouvement-là, du côté de l'ADQ, a fait des mécontents. Ils se sont lancés un parti, le AAQ, non, je ne me souviens plus, peut-être que monsieur peut m'éclairer là-dessus. J'ai essayé de chercher sur Internet, je n'ai pas su trouver. Mais les mécontents de l'ADQ, les extrémistes, le but conservateur, vont se créer un parti. Et aujourd'hui a été lancé, officiellement, le Parti conservateur du Québec, qui, ma foi, présente des noms intéressants. Bon, quand, sur le coup... quand grande brochette d'intellectuels, là, vraiment de haut niveau. Là. Ça sera aux gens d'en juger, Julien, à ce moment-là. Écoutez, je vous dresse une liste très rapidement. Tout d'abord, Luc Harvey, qui est chef, qu'on sent comme étant le chef du Parti conservateur du Québec. C'est lui qui s'est présenté pour l'ADQ contre Pauline Marois dans Charlevoix. Jean-François Plante, le président, a été viré de l'ADQ pour des propos homophobes et antiféministes. Daniel Petit est un ancien député conservateur au fédéral dans Charlebourg. Et voilà, c'est les trois noms avec le plus de bagages, les plus connus que l'on connaît présentement, qui sont pour le nouveau Parti conservateur du Québec. C'est une grande brochette d'intellectuels de haut niveau. Bon, écoutez, c'est sûr que pour nos auditeurs, peut-être que non, mais pour les gens au Québec, les citoyens que l'on dessert ici à CKRL, peut-être que ces gens-là dessinent des solutions, sait-on jamais. Messieurs, rapidement, est-ce que vous pensez que la droite va aussi éventuellement avoir à se déchirer? Parce qu'on s'entend que le Legault, Charest, c'est 4,30 sous pour une pièce. La droite a cette faculté-là, avec un esprit très entrepreneurial, très business, de faire ses chicanes derrière les portes closes et on arrive en public devant un front commun. Évidemment, c'est un nouveau parti, là, c'est la même histoire. C'est de présenter des candidats contre d'autres candidats. Mais on n'a pas le problème de la gauche de déchirer les chemises en public et de faire ces grandes chicanes en public. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner. Mais en fait, c'est peut-être une belle nouvelle. Pour la démocratie, je pense qu'en général, on peut dire qu'un nouveau parti, c'est une belle nouvelle. Pas nécessairement mes valeurs personnelles, mais ça sera aux électeurs à juger de la pertinence du parti. Bon, au Québec, à tout le moins, ce qui confère une super stabilité au vote de droite ou au vote fédéraliste, ou enfin, dans ce groupe-là, qu'on pourrait les qualifier, c'est le vote anglophone. Il ne faut pas se le cacher, au Parti libéral, oui. Il y a un grand bloc sociologique de la population du Québec qui vote systématiquement libéral. Puis ça veut dire que toutes les compétiteurs éventuels du Parti libéral, quand ils regardent la volonté peut-être de tasser le Parti libéral de ce marché politique-là, ils se disent, est-ce qu'on serait capable, nous, d'aller reprendre le vote anglophone au Parti libéral? Dans la plupart des cas, ça a été non. Le seul qui l'a fait un peu, c'est le Parti Égalité, il y a quelques années, donc qui était un parti strictement anglophone. Ça avait fait d'ailleurs très oui. peur au Parti libéral à l'époque, le peur de voir le vote anglophone devenir un vrai parti au Québec, une espèce de bloc québécois, mais des anglophones de Montréal. Donc, moi, je pense pas que le Parti libéral, ça leur fait très peur, parce que aujourd'hui, à cause du vote anglophone, ils ont à peu près atteint le fond du baril. Là. Donc, tous les autres partis, ils divisent l'espèce de vote francophone de droite, qui est relativement limité de toute façon. Très bien. Alors, messieurs, l'émission se termine sur ces bons mots. Rapidement, vite, en une minute, Julien, 25 janvier prochain, mercredi, c'est le grand rassemblement Capital National d'Option Nationale. Exactement. Donc, un rassemblement autour de politique, artistique, plein d'artistes de la région de Québec qui vont être là. Très bien. C'est au Studio P à 19h, mercredi prochain, le 25. Donc, c'est un rendez-vous. Très bien. La présence du chef également qui sera là. Jean-Martin va être là, oui. Moi, je vous rappelle à tout le monde que les fondateurs du pays à venir, c'est d'abord et avant tout les citoyens. Et pour l'organisation dont j'ai parlé tantôt, qui n'a pas encore de nom, ben, je vous invite à me suivre sur Facebook. C'est peut-être plus facile. Alexandre Warnet, Warnet. Messieurs, merci beaucoup. Alors, c'était tout pour la fausse patte de ce 18 janvier 2012. Au retour de la pause, on va, en direct du sacrilège, rejoindre Tania Beaumont. Là-dessus, à la semaine prochaine. C'est KRL. À Québec. Yeah.